One Radio. Le son. Dance. Fla. Il est 5h59 sur Fun Radio, ce sont les infos avec Justine Salmon. Bonjour ma Juju. Bonjour Macri, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour un petit point météo avec une matinée agréable et ensoleillée. Ça va se couvrir avec un risque d'orage sur une grande moitié nord et sur le sud-est. 14 départements sont encore en vigilance orange aux inondations. Tous les départements de la Haute-Normandie et de l'Île-de-France, ainsi que le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre et l'Indre-et-Loire. Les températures sont en hausse, il fait de 12 à 18 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 17 à Dieppe, 22 à Bayonne, 25 degrés à Limoges et 27 à Strasbourg. Et si on regarde la semaine, ça s'annonce plutôt mitigé. Mais notez, si tout va bien, on aura une belle journée printanière jeudi. Une semaine après le début des intempéries, c'est l'heure de la facture. Les dégâts pourraient coûter plus d'un milliard d'euros. Une réunion a lieu ce matin entre le gouvernement et les assureurs. Emmanuel Valls a prévu de se rendre à Montargis, une des villes sévèrement touchées par les inondations. Ce matin, 7500 foyers sont toujours privés d'électricité. À Paris, la ligne 4 du métro reste fermée à la station Saint-Michel. Et dans le Loiret, la 10 entre Orléans et Paris est toujours inaccessible. François Hollande, plus que jamais derrière les Bleus. Le président a dîné hier soir avec les joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine. Ils lui ont offert un maillot floqué à son nom avec le numéro 24. Et par ailleurs, lors d'une conférence de presse, le chef de l'État a admis que la menace contre la sécurité de l'euro existait bien. Le ramadan démarre aujourd'hui, un mois de jeûne pour les musulmans français, sans boire, sans fumer, sans relations sexuelles aussi, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. En France, 80% des musulmans font le ramadan. Et puis Novak Djokovic entre dans la légende, le Serbe a remporté hier son premier Roland-Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qui manquait à son palmarès. Il est 6h01, très bon réveil, c'est Bruno dans la radio. Fun Radio. Nous sommes le lundi 6 juin, il est 6h02. Bonjour! Bonjour! Bon, ça va être une émission un petit peu spéciale hein, aujourd'hui. Hein. Bruno et Elliot enregistrent Fort Boyard, ils sont à La Rochelle, ils vont nous faire vivre l'événement à distance, on va se connecter avec vous, avec eux, surtout dans quelques secondes. À 6h10, vous allez pouvoir gagner votre iPad mini, votre GoPro, votre enceinte et votre casque. Bruno dans la radio pour jouer, c'est le 32-28. Vous allez bien sûr retrouver le Vacher Time à 7h, la chanson du jour à 7h30, avec un auditeur qui veut demander quelque chose à sa chérie. Quoi? Vous le saurez tout à l'heure. Nous allons aussi payer vos factures, il y aura le JPI. Zara Larsson sera mon invité à 8h15 et on va aussi faire gagner les deux premiers billets pour venir faire la fête à Ibiza avec toute l'équipe. Ce sera dans le jeu des 30 secondes à 8h30. Waouh, tu fais des phrases super longues, mais elles sont trop belles. Bon, comment ça va, mon Vacher? Bah, ça va, moi je suis content. Il n'y a pas papa et tonton à la maison. Donc, on se dit, bon, on les aime bien, tu vois, mais on va en profiter pour faire des bêtises. Quoi. Bon, on est tous les deux, mon chou. T'as passé un bon week-end? Ouais, j'ai passé un bon week-end. J'ai niqué un anniversaire surprise ce week-end. Pourquoi? Parce qu'on avait rendez-vous à 12h30, tu vois, c'est pour un de mes meilleurs potes. Ouais. Et genre, c'était rendez-vous à 12h30 parce que lui, il arrive à 13h avec sa maman, tu vois. Et moi, je suis arrivé à 12h59. Et qui j'ai vu dans la rue? Eh ben mon pote, ça vient. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc, tout seul, avec mon petit sac, tu sais, je vais acheter un t-shirt. J'ai fait surprise! Et voilà. C'était assez pourri, quoi. C'est Vacher, quoi. Voilà, c'était moi. Et toi, ça va? Mais oui, ça va très bien. J'ai passé un bon week-end. J'étais de Pax. Donc, Just Paxed. Vive les Paxés, tu vois. C'était la première fois que je faisais ça. Et c'était aussi émouvant qu'un mariage. Presque aussi émouvant que le tien, Vacher. Mais ça coûte moins cher, je crois, un Pax. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. C'est ce que j'aurais dû faire. Bon, Bruno et Elliot, vous le savez, enregistre Fort Boyard aujourd'hui. C'est un peu l'événement. Ils vont nous faire vivre ça depuis les coulisses. On va se connecter tout de suite avec eux. Bruno. Bonjour. Mais c'est le père Foy. Comment ça va? Écoutez, ça va les fions, on est avec Elliot, ça va mon chouchou? Ah oui, Anna, je suis ravi. Il est en stress un peu. Ça commence. Il est un peu en stress, je te jure. Hier, il était tout blanc. On a eu le briefing un peu, tu vois, hier, de ce qui allait se passer aujourd'hui, de la journée, etc. Et je peux te dire qu'Elliot, il est passé du « Waouh, c'est génial » au « Ah, j'emmène pas large. » Alors déjà, en plus, votre train était annulé. Vous y êtes allé en voiture? Ah bah, c'est ce que j'ai dit en arrivant à la production. Je dis normalement il nous file déjà au moins une clé parce que on est arrivé à la gare Montparnasse. Donc le train était à 17h, on nous a dit de venir à 15h. Je me suis dit c'est quand même très con d'arriver 2 heures en avance. Hein. Et en fait la vanne c'est qu'on est descendu en voiture. Mais comme l'A10 s'est coupée à cause des inondations. Et normalement, l'autoroute, c'est direct Paris-Niort et après Niort-La Rochelle. Et ben là, on a fait un petit détour par Le Mans, Nantes, etc. Ah, sympa! Ah ben, c'est-à-dire qu'on est arrivé, comment te dire, renfermé à 8 dans un van. C'était horrible. Sans climatisation, on est arrivé, ben, on sentait comme le père Foix. Mais alors justement, alors vous connaissez la composition de l'équipe, parce que ça, on ne le savait pas. Vous allez pouvoir nous le révéler ou pas? Et à côté que moi, il y a André-Pierre Gignac qui va être en attaque. on a la composition de l'équipe, on va vous la filer tout à l'heure. Dans 10 minutes. Vous nous donnez ça dans 10 minutes, d'accord? Avec grand plaisir. Vous allez voir, et que des prix Nobel. Est-ce qu'il y a du gros sportif ou pas, en plus de vous? Que des prix Nobel. On va prendre les beaucoup de moyens, moi je vous le dis. Pour tout te dire, le sportif de l'équipe, c'est moi, voilà, on peut le dire. Et donc, vu que je suis tombé en moto la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe avec la voix de Jean-Louis? Plus de toi non plus. Vu que je suis tombé de moto la semaine dernière, ça va être que des prix Nobel. Ouais. Ah, d'accord. Vous allez voir, c'est tout ou rien. Et d'ailleurs, Bruno, t'es encore mal ou pas? Ou t'es bien ce matin? Écoute, alors, je vais faire mon barbeau. Hier, j'ai fait des pompes. J'ai réussi à en faire 20 sans avoir trop mal. Ouais. Mais en fait, c'est quand je tire que j'ai un peu mal. Donc, je vais me shooter au. J'ai décaché exprès. Je peux m'endormir à n'importe quel moment, je peux tomber de la vigie du père Foix. Ça va être n'importe quoi. Bon, dans 10 minutes, vous nous en dites plus. Peut-être que vous savez déjà les épreuves que vous allez faire ou pas du tout? Non, alors les épreuves, on ne sait pas, mais je vais vous donner la composition de l'équipe. Et puis surtout, je vais vous parler de ce qu'on signe, parce que ça, je ne l'avais pas dit à Elliot de peur qu'il ne vienne pas. Ouais. Il faut signer une décharge. Donc, je vais vous parler de la décharge. D'accord, ok. Bon, on fait ça. On accueille l'auditeur du jour avec vous? Allez. Oh, il y a des auditeurs du jour en mais plus. Ouais. On n'en a rien à foutre. Et soyez pas très bons parce qu'on n'est pas là, parce qu'après les gens vont se dire, dis donc l'émission est aussi bien que quand ils sont pas là, et puis on sait comment ça finit cette histoire. J'ai pas fini de payer mon crédit de maison, moi. L'auditeur du jour, il s'appelle Franck, il a 20 ans, il habite Las Beuta, je ne savais même pas que ça existait. Bonjour Franck. Ouais. Salut la famille. Salut Franck. Salut mon chou. Bon, t'as vu, Elliot et Bruno sont avec nous depuis La Rochelle. Ouais, mais faut tout casser, les gars, là, aujourd'hui. Faut tout casser. Ah ben, c'est ce qu'on va faire. On va tout casser, mais au sens propre. C'est pour ça que t'as amené Elliot. Exactement. Le Fort Boyard va fermer, après. Le Fort Boyard. Ah, merde, pour... Bon, et toi, mon chou, il t'est arrivé un truc chelou, visiblement, ce week-end? Ouais, un truc de malade, en fait. C'était samedi soir. Il était, je sais pas, 2h30, 3h du mat. J'ai entendu un bruit de malade chez moi et je me suis fait, putain, on est en train de me cambrioler et tout. Du coup, je sais pas, j'étais affolé. Je fais, mais cassez-vous. Et encore plus de bruit. Du coup, je me dis, mais je vais bouger de ma chambre et tout pour voir ce qu'il y a, pour voir ce qui se passe. Je me chope mon téléphone fixe. C'est un gros téléphone sans fil, là. C'est les premiers sans fil et tout. Et je commence à tourner, mais tout doucement chez moi et tout, comme... tout doucement pour pas trop faire de bruit non plus, mais bon, après j'ai gueulé. Je sais pas depuis le studio, mais nous depuis La Rochelle, cette description du téléphone est très chiante. Hein. Eh ben nous à Paris, ça y est, on est passé sur énergie nous, hein, ça y est. Hein. Ça nous intéresse beaucoup nous. Alors il est comment ce téléphone? C'est quoi la marque? Bah écoute, il est blanc, la marque. Non, je sais pas si je peux la dire. Bon, d'accord. Et donc ouais, je fais tout le tour de la baraque et tout, et je vais dans la salle de bain, rien, dans la cuisine, rien et tout. Je me fous dans le salon et là j'entends du bruit juste derrière moi. Donc j'étais flippé, je me retourne, il y avait rien du tout. Bon, vite. Et en fait je regarde au sol et en fait c'était mon lapin qui foutait le bordel dans sa cage depuis 20 minutes. Oh, mais t'es en train de me dire que tu viens de nous faire chier pendant 15 minutes pour un putain de lapin, c'est ça que t'es en train de me dire? Je suis tapé 10 heures de route dans les embouteillages pour entendre une histoire de lapin. Je peux remonter jusqu'à chez toi, mec. Attention, avec un minivan. Fais bien attention. Bon, Franck, tu es notre auditeur jusqu'à 9h du jour. L'émission t'est dédicacée. Si tu veux intervenir, tu peux le faire à n'importe quel moment. Et Elliot et Bruno, on vous retrouve dans 10 minutes. Alors, on va connaître cette composition d'équipe et vous allez nous parler de cette fameuse décharge, d'accord? Soyez pas pressés. Hein. Ouais, en fait, mettez-vous à la place de Didier Deschamps. C'est comme si Didier Deschamps communiquait la liste des 22. Mais que la veille, il y ait toute l'équipe soit décimée en fait. Plus de Payet, plus de Giroud, plus de Griezmann, plus de Coman, plus de Pogba. Et donc, on est l'équipe qui reste derrière. Ben, je vais vous la donner tout à l'heure. Bon, bah, on fait comme ça. Et prenez un petit café en attendant. Il est 6h09 sur Fun Radio. On vous embrasse. Pion, à tout de suite. C'était Kungs sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'on va écouter avant 7h, Vacher? Tu veux savoir ou pas? Ah oui, moi je veux... Ah ok. Je croyais que c'est moi qui devais annoncer la musique parce que je me suis dit, tu m'as pas briefé du tout. On va écouter Justin Timberlake. Il y aura aussi Drake. J'avais reconnu Coquine. Et on va se faire aussi un petit Imani. Oh. C'est une émission un peu spéciale. Aujourd'hui, Bruno et Elliot sont en direct de La Rochelle. Ils vont bientôt partir pour Fort Boyard. On va se connecter avec eux dans 5 minutes. Ils vont nous dévoiler la composition de l'équipe. Et puis, alors, il y a une fameuse décharge qui a été signée visiblement hier. On va apprendre quelle est sa contenance, hein, j'ai envie de dire, dans moins de 5 minutes. J'ai cru comprendre que c'était un peu l'équipe de la loose qu'ils avaient. Ouais, j'ai l'impression aussi. Et pour l'instant, on joue. Fun Radio. Ça me manque, Bruno. T'sais, à l'époque, on dirait qu'il est décédé. Tu sais, à l'époque, Bruno, sur ce générique, quand ça faisait tout tout gagner, il faisait tout tout. Tu te rappelles? Il le faisait bien, Bruno. Putain. C'est vrai. Il va bien se marrer là-haut. Antoine, mon chou, bonjour. Salut toute l'équipe. Ouais. Et bonjour Antoine. Antoine, t'as 25 ans, t'habites Montreuil. C'est ça. Et alors, tu bosses chez Decathlon. Ouais. Tu exactement. Fais quoi? T'es vendeur là-bas? Ouais, tout à fait. Je suis dans le rayon. Bon, écoute. Vendeur raquette. Est-ce que tu sais? Oui, Vacher. Non, ça sent la voix, la joie dans sa voix. Tu sais, je bosse à Decathlon. Ouais. Bah, fond la forme. Ça va, on se marre bien quand même de temps en temps. Oui, est-ce que tu sais ce que tu as gagné pour l'instant? Ah non, pas du tout. Alors, tu as gagné ton iPad mini, c'est le dernier, c'est le 4. Wow. Ta GoPro, ton enceinte Philips Rose, un casque Bruno dans la radio. Mais alors, tu connais le principe du jeu. Oui. On va te poser des questions. Et tu peux tout perdre. Si tu as des bonnes réponses, tu gardes tes cadeaux. Si tu as de mauvaises réponses, tu les perds. Ok? Ok, ça marche. Allez, Vaché, tu poses la première question. Ah bon? Ok. Bonjour, bienvenue dans ce jeu. Il s'appelle le tout gagné, tout perdu. Je suis assez impressionné. Alors écoute bien, on rigole plus là. La République de Vanuatu, ça se dit comme ça? Ouais. Située, Vanuatu, allez. Située dans l'océan Pacifique, a mis en place le premier bureau de poste sous-marin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu as 20 minutes pour réfléchir. Non, non, réponds maintenant, sinon c'est chiant. Bon, je dirais vrai. Yeah. Bonne réponse. Ouais. Ouais, c'est situé à 50 mètres de la plage apparemment et à 3 mètres de profondeur, on peut y déposer son courrier en apnée. Mais quel est l'intérêt? Ce qui est super, super pratique évidemment. J'imagine le petit facteur galérer avec son vélo pour aller chercher le colis. Voilà. Bon, c'est bien, pour l'instant tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième Allez, question. Bon, en médecine, un cycle biologique de 24 heures est appelé un nyctémère. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comment c'est un nyctémère? Nique tes mères. Bon. Vas-y, nique tes mères. Oui, allez, je dirais vrai tellement ça me paraît. Et vrai. Ouais. Ah, bravo. C'est ça. Moi, je voulais cette question, elle était plus drôle. Ah, bah, fais la prochaine. Non, mais elle est horrible. Ok. Alors, c'est encore une question intelligente parce que j'ai fait beaucoup d'études. Écoute bien. Le nombre d'objets connectés à Internet a dépassé le nombre d'humains sur Terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cette fois, tu as 7 minutes. Oh, ça va, je suis large. Je dirais vrai aussi. Oh là là, mais il est énorme ce mec, il est énorme, t'es un champion. Alors il y a 25 milliards d'objets connectés contre 7 milliards d'individus. Bien ah joué. Ouais, ben. Et tout ça, je te le dis de tête, bien évidemment. Allez, la dernière, tu peux tout gagner, mon chou. Ah, ça serait super. Cet été, aux Jeux Olympiques de Rio, 450 000 préservatifs vont être distribués aux athlètes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Aux athlètes? Ouais. Bon, on va leur filer des capotes. Ouais, hein. Tellement ça me paraît aussi. Bravo. Ouais, et ben c'est tout gagné. Oh, c'est énorme, c'est trop beau. Bravo. Donc on t'envoie ton iPad mini, ta GoPro, ton enceinte Philips Rose et ton casque Bruno de la radio. Bravo mon choix. Oh, super, merci beaucoup. Franchement, c'est super. On t'embrasse, on te fait des gros bisous. Aussi, je vous embrasse, bisous. Bisous Antoine. On va se retrouver dans 2 minutes avec Justin Timberlake et avec Bruno et Elliot en direct de La Rochelle et prête à partir pour Fort Boyard. A tout de suite sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Et Raïs Tréfi. Hey, it's David Guetta. It's our scene. Tini Tempa. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers repose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jors bien sûr et un Bruno Chéreau très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.

Ah, tu le fais bien, Vacher. Merci. Bon, il y a le chiffre du jour qui arrive sur Fun Radio. Il nous concerne, les filles, ce matin. On apprend que 35% des femmes font quelque chose une seule fois par mois. Mais quoi? Si vous avez des propositions, c'est le 32-28. T'as une idée, Vacher? Réfléchir. Ah, allez, gonzesse. Très drôle. Marrant. Dans votre gueule, allez, gonzesse. Quoi. C'est quoi? C'est vous grattez la motte? Oh. Et papa? Papa n'est pas là. Il écoute ou pas, Bruno? Mais oui, il est là. On se connecte tout de suite avec Bruno Elliott à La Rochelle. Il est 6h25 sur Fun Radio. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Ah. Bruno dans la radio. On écoute tout, Vacher. Une fois par mois, les filles font caca. Ah, mais elles ne font pas caca, les filles. Si, mais il paraît que c'est des paillettes. Eh, bon. Les amis, on est sur Facebook en live, là, je vous le dis, parce que, en fait, on s'est dit, on va se mettre dehors avec Elliot pour dire qu'on vit le truc à fond. Il fait moins 1000 degrés, en fait. Je me suis mis en t-shirt en mode bah tout va bien les gars, je vais avoir une pneumonie en fait. Et ben vous suivez ça en live sur la page donc Facebook Bruno dans la radio. Comment ça va les garçons? Écoute, on est au taquet. Alors la bonne nouvelle c'est que le beau temps il est ici par contre, hein. C'est que aujourd'hui il fait soleil, là le jour est en train de se lever sur Châtelaillon-Plage parce qu'on n'est pas encore on n'est pas à Foura. Et vous partez à Foura dans combien de temps? Et on part à Foura là à 7h30. Ouais. On D'accord. part à Foura, parce qu'on ne dit pas Fouras. On dit Foura, oui, oui. On dit Foura. et donc, on part et on prend le bateau après vers 9h, je crois. Et t'oublies le plus important, il y a un petit déjeuner à 7h. À ce qui paraît, il y a du bacon et des œufs brouillés. Ouais. J'annonce avec impatience. Mangez bien, c'est important parce que vous allez faire beaucoup de sport aujourd'hui. Oui, j'ai bien dit du sport. Le soleil. Alors, putain, et tu sais que je me suis fait avoir, dis donc. Ah oui. À cause de mon régime, je me suis fait avoir. De quoi? Parce que, en fait, pour le saut à l'élastique à Fort Boyard, on a appris hier que au-dessus de 85 kilos, tu le faisais pas. Ah. Et donc, jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai fait Fort Boyard, j'étais bien au-dessus. Mais là, je suis à 83 kilos, donc à mon avis. Ça va être pour ta poire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien bouffer au petit déj. Tu te doutes bien que j'ai dormi sur mes deux oreilles. Hein. Moi, avec mes 100 kilos, tranquille. Bon, Bruno, tu nous as promis de nous révéler la composition de l'équipe. Alors, la composition de l'équipe, les amis. Je suis capitaine d'équipe, déjà, il faut savoir, d'accord? Ouais. Je suis capitaine d'équipe. Alors, il y a un mec qui est génial qui s'appelle Vincent de Vienne, qui bosse sur Canal+, qui fait du one man, etc., qui est super gueulerique avec nous, d'accord? Il est intelligent, celui-là. Alors, lui, ouais, voilà, c'est lui qui va nous ramener les clés des énigmes. D'accord. Alors, après. C'est là où ça se complique. Non, mais franchement, on était mort de rire hier. On a une équipe au top. Alors, il y a donc Elliot Chamrec. Bonjour. La personne qui est avec moi. Oui, oui. Ensuite, il y a Thierry de L'Amour est dans le Pré. C'est ton chouchou, c'est Chouchou. Ah, j'adore. Voilà, donc. On a quand même fait les 6 heures de voiture avec Thierry de L'Amour est dans le Pré. Et c'est pour ça que je suis là, rien que pour s'en mériter une première clé, quand même, déjà, dans un premier temps. Oh là là là là. Ensuite, en termes de présence féminine, il y a Gisèle Suarez. Ouais, qu'on connaît bien sur Fun Radio. Voilà, exactement, qu'on appelle Roberto dans le privé. et Evangeli. Ah bah tu l'as dit comme ça. Oh voilà. Non ouais, j'ai balancé le truc. C'est comme le sparadrap, faut le tirer. Et honnêtement, on s'est bien marré. Non, et alors l'avantage, c'est que Thierry de L'Amour est dans le Pré, a priori, le gars a de la force. Ouais. Bon, en même temps, il a des bras, on dirait mes cuisses. Hein, donc, je pense que le gars va être là pour ça. Vincent, il a l'intelligence. Ouais. Evangeli, pareil. Gisèle a fait le sport. Ouais, ce qui paraît, elle est sportive. Et puis Eve, pour si on doit sauter dans le vide, c'est un peu son quotidien. J'adore cette équipe. Les winners, les winners de ouf. Bruno, on va se retrouver dans 5 minutes. Tu vas nous parler de cette fameuse décharge là. Vous avez signé un truc chelou hier. Oui, mais c'est un truc qui est obligatoire quand tu fais Fort Boyard que tu es obligé de signer. Et ben, on se retrouve dans 3 minutes, tu vas nous raconter ça. Et alors, pour ceux qui viennent sur le Facebook Live, on va vous faire une petite, un petit panoramique de où on se trouve en ce moment. Ah, j'adore l'idée. Et on va se retrouver aussi avec Drake, ce sera juste après les infos. Bienvenue sur Fun Radio, il est 6h30. Skoda,

Le son. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 juin, je suis avec Vaché. Je vous rappelle que Bruno et Elliot sont en direct de Châtelaillon. Ouais. Ils vont bientôt partir pour le Fort Boyard, ils vont prendre le petit-déj, ils nous ont révélé la composition de l'équipe. Je pense qu'on peut dire qu'elle est magique, cette équipe. C'est sportif, il y a Thierry Delamoureux dans le pré, je pense que là, voilà, il y a... c'est un peu le Teddy Riner, je pense, de leur équipe. C'est ça, oui, Thierry Delamoureux dans le pré, c'était lui, c'était ce rire. Vas-y, remets le fond. J'adore, c'est mon chouchou. Et alors, ils ont signé une décharge a priori un peu chelou. Ils vont nous en parler là dans 3 minutes. Ce sera juste après les chiffres du jour. C'est le chiffre du jour. Alors, je vous donnais, donc, je vous posais cette question tout à l'heure. 35% des femmes font quelque chose une fois par mois. Mais quoi ? C'est la question que je vous ai posée. Vous nous avez appelé au 3228. Une autre idée, Vaché, ou pas ? Réussir à faire une créneau ? Oh là là. Et t'as connu dans la classe, c'est quoi ? C'est bon, j'arrête. Radio Macho, bonjour. Comment ça va, Victoria, à Marseille ? Ça va, et vous, la famille ? Oui, ça va bien, ma chérie. Alors, à ton avis, que font 35% des femmes une fois par mois ? Elles pensent à faire un régime. Ah, elles pensent, mais elles le font pas ? Tu crois ? Ben, ça leur arrive, elles essayent, quoi. Ah oui, elles tentent. Elles commencent un régime et elles le terminent pas, genre. C'est ça. Mais pourquoi vous êtes obsédés par les régimes ? Pourquoi vous voulez en faire tout le temps ? Faut savoir que nous, les hommes, on accepte les femmes rondes et les femmes minces. Non, mais c'est vrai. M'arrête. On vous accepte, mais c'est juste qu'on vous préfère. Vous êtes les premiers à dire elle a un gros cul, elle a des grosses cuisses. Oui, mais quand vous êtes genre en surpoids ou quoi, vous devenez quand même notre bon pote, tu vois. Genre, ouais, il se passera rien, mais genre on peut aller boire des coups, on va boire des bières, on pète à table, tu vois. Et ça, c'est quand même une complicité qu'auront pas les filles, les autres, les mannequins. Non, mais tu... le problème, c'est que tous les magazines people, tu vois que des filles gaulées. Donc forcément, t'as envie de leur ressembler. Mais non, mais je comprends. Mais en vrai, en vrai, toutes les filles sont jolies de l'intérieur. Ah, c'est gentil. J'ai écrit cette phrase hier. Voilà, pas du tout. Bon, c'est pas ça, ma chérie Victoria, mais merci de nous avoir appelés. Je t'embrasse. Merci à vous, bisous. On a Mélissa, 30 ans, du Taillant-Médoc. Ah, c'est chez toi, c'est en Gironde, Vaché. Ah ouais. Salut la famille. Salut Mélissa, tu connais pas cette ville ? Bon, je sais pas où. Le Taillant-Médoc. J'y suis jamais allée. Bonjour Magali du Taillant-Médoc. Non, Mélissa. Et oui. Mélissa d'ailleurs. Comment ça va ma chérie ? Ça va, ça va. Bon, et qu'est-ce que tu proposes ? Alors à ton avis, 35% des femmes le font une fois par mois, c'est quoi ? Elles s'épilent. Ah oui, ouais. Je suis d'accord. Moi c'est mon cas, pour le coup. Je fais une fois par mois. Non ! Bah si. Mais ça repousse de ouf ! Bah non, je le fais à la cire. Genre par rapport à la barbe, votre, enfin on va pas, voilà, on va parler en codé, mais votre chose qui pousse par rapport à la barbe, ça pousse à la même vitesse ? Bah non, pas du tout. À la cire, ça met un mois à repousser. D'accord. Quoi. Et toi, t'es plutôt comment dire, t'es plutôt chauve ou hipster ? Non, parce que vu que c'est la mode en ce moment. Je suis plutôt Vaché. Ah d'accord. Voilà. Ah, t'es chauve, d'accord. Voilà, exactement. Faudra que tu parles à ma femme. Là. Pourquoi elle a des soucis en ce moment ? Ouais, non, on va pas en parler. Elle est un peu sur les dents en plus en ce moment. On va rester gentil, je sais qu'elle écoute, je t'aime. Voilà. Bon, Mélissa, c'est pas la bonne réponse, je suis désolée. Ah, d'accord. Je t'embrasse, ma chérie. Alors, la bonne réponse, c'était 35% des femmes ne se pèsent qu'une seule fois par mois. Ah. C'est un peu un rapport avec le régime. Carrément. Ta femme, elle se pèse beaucoup, Vaché ? Ma femme, j'en sais rien. Je crois qu'elle veut jamais. Mais toutes les femmes, vous voulez pas dire votre poids. Je sais pas combien elle pèse. Elle veut jamais me le dire. C'est de la coquetterie. C'est de la coquetterie, ouais. Ouais. C'est de la honte. Non, mais ma femme, une fois de plus, tu vois, tout à l'heure, je voudrais m'excuser parce qu'il y a une fille qui m'a insulté sur Twitter. En vrai, j'aime les filles rondes, les filles. Voilà, j'aime toutes les femmes. Moi, c'est à partir du moment où une femme me dit oui, je trouve qu'elle est belle. Ouais. Faut juste qu'elle dise oui et qu'elle porte pas plainte. Et là, elle est belle. Voilà. Ah bah, ce sera la phrase du jour. Et qu'elle soit majeure. Parce que ouais, voilà, ouais, j'ai mieux, déjà ouais. Un bracelet électronique, pas deux. Bon, il est 6h38 sur Fun Radio. Dans un instant, on va retrouver Bruno et Elliot qui sont en direct de Châtelaillon. Ils vont nous parler de cette fameuse décharge. On va reparler de la composition de l'équipe quand même parce que c'est magique. Et puis, on aura Thierry au téléphone de Valence. Alors, il lui est arrivé un truc ce week-end. Je pense qu'il a bien les boules. Il va nous raconter ça dans 3 minutes. Mais pour l'instant, on écoute Drake. Il a une nouvelle chérie, Drake. Je vous en parlerai à 8h15. Je vous dirai qui c'est. Bienvenue sur Fun Radio. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. C'est Drake sur Fun Radio. On va écouter Imani dans un instant. On va aussi retrouver Bruno et Elliot en direct de Châtelaillon. On va reparler de cette composition d'équipe quand même. On va aussi parler de cette fameuse décharge. Mais pour l'instant, on accueille Thierry de Valence. Comment ça va, Thierry? Ça va, salut la famille. Salut, bonjour. Bon alors, il t'est arrivé un truc, je crois que t'as bien les boules ce matin. C'est quoi ton délire? Ouais, un petit peu. J'ai mon fils de 4 ans qui a fait une tâche sur mon PC tablette et il a voulu bien faire, donc il a mis l'ordinateur dans le lave-vaisselle, sauf qu'après il l'a mis en route. Oh. Mais il est teubé. Il a 4 ans, vaché. Ça fait ça un enfant, ça peut faire quelque chose comme ça? Ah oui, ça peut faire des grosses conneries comme ça. Ouais. Alors quand on a commandé un bébé et qu'il est censé arriver genre en octobre, est-ce qu'on peut annuler la commande quoi? Ça, c'est où le service client? Oh merde. Et du coup, c'est un ordinateur qui valait cher? Oui, c'est un ordinateur tablette qui était à 1 300 € et qui avait un mois et demi. Ah d'accord. D'accord. Bon, bah bonne loose alors. Merci beaucoup. Alors, tu sais, d'habitude, y a un mec qui s'appelle Bruno qui peut offrir des choses comme ça. Nous, vraiment, avec Christina, on n'a pas de thunes. Hein, donc, on peut te souhaiter du courage et te dire que frère, on est vraiment avec toi, main sur le cœur, d'accord? On t'embrasse, mon chou, bon courage. Merci, bisous à tous. Et lis des livres, profites-en, tu vois, il paraît que c'est cool. J'ai jamais essayé, moi, il paraît que c'est cool. Comme Thierry, vous pouvez nous appeler pour nous raconter ce que vous voulez au 3228. Vous pouvez aussi participer à l'émission en tweetant avec le hashtag BrunoFunRadio. Ça, c'est pour Twitter et pour les réseaux sociaux. Il est 6h42. On se retrouve dans 3 minutes en direct avec Bruno et Elliot. À tout de suite. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJ de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Et voilà Valérie qui rentre, elle sort les courses et oh là là, elle surprend tout le monde avec ses verdures Alex aux couleurs des capitales d'Europe. Une exclusivité Carrefour en édition limitée. Absolument. Jusqu'au 18 juillet, pour 30 € d'achat chez Carrefour, le verdure Alex est à seulement 1 €. Et demain, c'est Lisbonne et Londres. Ah, une collection comme ça, il faut pas la rater. Jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, collectionnez les verdures Alex 100% made in France. Le verre est à seulement 1 € par tranche de 30 € d'achat. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça, hier Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu.

vous avez pris le petit déj ou pas encore du coup? Non, on va y aller là. En fait, là, pour tout dire, moi je croyais qu'on gardait la chambre pour la journée, mais Elliot m'a dit qu'il fallait qu'on parte avec notre sac. Donc là, on est dans ma chambre maintenant. Je suis allé faire mon sac, préparer mes affaires, ranger mes livres de philosophie avec lesquels je pars toujours, mes disques de jazz. Et on va aller prendre le petit déj là après. Là. Bon, alors rappelons la composition de cette équipe incroyable. Pardon, qui va partir avec plus, vous. Morgane et Schneiderlin. Il y a quand même un pote à moi que j'embrasse qui s'appelle Bernie qui m'a envoyé un texto il y a 5 minutes en me disant: mec, avec l'équipe que t'as, heureusement que tu fais pas l'euro. Je vous jure, je vous jure, on va se marrer. On va se marrer de ouf, vraiment. Parce que c'est que des tempéraments. Voilà, Thierry de l'amour est dans le pré. Le mec dit: bon, en 8 heures de route, voilà. Il faut savoir qu'il rit vraiment comme ça dans la vraie vie. Hein. Le gars parle fort. Ouais. Ah, il peut pas avoir une conversation privée au téléphone, t'es persuadé que tout l'immeuble l'entend. Et il a encore moins de déo que moi. Voilà. Evangélie, bon ben c'est Eve telle qu'on la connaît, telle qu'on l'aime. Voilà. C'est gentil, elle est jolie. Hein. Ouais. Qui est fidèle à elle-même, qu'on a sorti une hier, je sais plus ce que c'était, mais en mode. Bah genre, tu vois, le truc du Gorafi, là, le gars est resté renfermé 7 ans dans une cellule, elle croyait que c'était vrai, voilà. Et puis Gisèle Suarez, qui a fait l'été dernier sur Fun Radio, ouais. Et qui avait passé une soirée un peu arrosée, visiblement, dans la nuit de samedi, et donc qui a passé les 8 heures de route à nous dire qu'elle était susceptible de vomir. Oh non! C'était un vrai bonheur. Heureusement qu'elle avait un décolleté, j'ai passé mon temps à mater ça. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. Elle avait un t-shirt non existant, voilà. Hein, ça s'appelle, en transparence. Mais on a des réactions, voilà. Je crois, sur Twitter, vaché avec le hashtag Bruno Fun Radio d'ailleurs. On a entêté, merci beaucoup les amis. Ouais, il y a Cédric qui dit: bon courage Bruno Elliott pour cette journée sur Fort Boyard, faites-vous kiffer. Il y a Johan aussi qui dit: oh bordel cette équipe, heureusement qu'ils donnent de l'argent même aux perdants. Non, mais honnêtement, non, je vous jure, Thierry, le mec il est balèze, ouais, quoi, bah, tu vois, et le mec il est agriculteur, il soulève des trucs et tout, ouais. Ça, non, il est fort. Gisèle, elle est sportive, ouais. Pour tout ce qui est bête et tout ça, Eve, elle va être au top, okay. Et puis Elliott, Elliott. Ben pour moi, Elliot, il restera vraiment. C'est la personne qui a la plus belle poitrine. Désolé, Gisèle. Oh, il faut bon, absolument qu'on révèle un truc sur Elliot. Ouais. Quoi? Ah oui. Ah oui, oh, alors. Non, arrêtez vos conneries. Alors, vous savez quoi? Je vous l'enverrai en photo, je le mettrai tout à l'heure. Il faut savoir qu'Elliot a acheté un slip gainage. Un caleçon. C'est un caleçon gain. Et en fait, le caleçon gain, il remonte au-dessus du nombril. Pour cacher mes poignées d'amour. Pour cacher le ventre. Mais je lui ai dit, c'est ridicule. Je lui ai dit, parce que Elliot, une fois sur deux, tu vas être obligé de lever les bras. Donc, on va voir le caleçon. Mais voilà. Et donc, non, il faut que. Parce que là, Elliot donc, est en mode, on va faire Fort Boyard, c'est génial. Mais ouais. Hier, en fait, il faut savoir que quand tu vas faire Fort Boyard, c'est quand même, et je le dis pour l'avoir fait 5-6 fois, c'est super physique, vraiment. Ouais. Et y a plus de 130 personnes qui travaillent sur le fort. Vous voyez l'émission et vous voyez qu'Olivier Mine, le père Foura et Passepartout, ouais. Passe-temps. Mais il y a plus de 100 personnes qui bossent, et notamment les mecs qui s'occupent des épreuves un peu difficiles, genre saut à l'élastique, machin, tout ça. Et même s'ils font tout pour qu'il n'y ait pas de danger, il y a quand même l'option où la faute à pas de chance, il peut se passer un truc. Il y a des risques, ouais. Voilà, il y a quand même des risques. Et donc, du coup, ils te font signer une décharge. Ouais. Et là, la décharge, c'est quoi? Bah, ils te demandent de donner le nom d'une personne à qui sera reversée une somme d'argent conséquente en cas d'accident. Oh, cool. Et alors, vous avez mis qui? Et donc, non, mais au-delà de mettre qui, c'est-à-dire que c'est là où Elliot a envisagé le fait de pouvoir se blesser, en fait. Bah, ouais. En fait, je me suis dit, tu sais, vu l'équipe qu'on a, peut-être vaut mieux se foutre en l'air, comme ça on rapportera plus d'argent pour l'association. Mais bon, ça fait peur quand même, hein, parce que c'est une très grosse. Mais mettez nos noms quand même, hein, au cas où. Non, mais. C'est des grosses sommes d'argent, hein, vraiment. Hein, mais, ah ouais. Mais bon, on va revenir entier, je vous rassure. Mais oui, ça va bien se passer. Ouais, j'espère. Bon, alors, là, c'est quoi le programme du coup pour vous? Alors là, écoute, je suis en train de mettre mon blouson. Tu vis le truc en live. On va sortir de la chambre. On va aller prendre le petit déj. Si vous avez besoin de nous, on est dispo non-stop. Ok. Il y aura l'équipe au petit déj. Je peux essayer de vous choper des gens de l'équipe au petit déj. On peut se retrouver à 7h. Et puis voilà. Et ben écoute, à 7h, très bien. On fait ça. Bien sûr. Et c'est bien votre émission, hein. Moi, je vous écoute là depuis la province, elle est bien. Elliot, il est sympa, Vacher, dans la vraie vie ou pas? Ça va. Tu veux faire une dédicace, Bruno, là, sur le titre? Oui, je voudrais écouter Imanis pour le père Foura, je te kiffe, bon. Ok. Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't ask me why. You're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Il est 6h56 sur Fun Radio. Fun. Le JPI sur Fun Radio. C'est la première édition du JPI avec Karina et Mika, c'est à vous. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, Euro 2016, toutes les équipes commencent à s'installer dans leurs différents camps de base pour se préparer pour l'Euro 2016. L'équipe de France est installée à Clairefontaine, les Espagnols sont installés à l'île de Ré et les Roumains sont installés sous le périphérique parisien. Ramadan aujourd'hui, c'est le début du Ramadan correspondant à un mois de jeûne. Et rappelons qu'au Vatican, le jeûne, c'est toute l'année pour les prêtres. Oh. Ce matin, Bruno et Elliot sont au Fort Boyard. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je suis justement au Fort Boyard pour vous faire vivre les coulisses de l'émission. Heureusement que c'est que de la télé, hein, et que tout est faux ici. Bah, les tigres, par exemple, c'est pas vraiment des tigres. Justement, si Anthony, ce sont des vrais tigres, hein, c'est le concept. Qui est con, la suite. Et pour finir, scoop, les marins portugais s'épilent le péniche. Oh, ça commence bien. Ça commence fort. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amir arrive sur Fun Radio. On va aussi écouter Dimitri Vegas et Like Mike. J'adore ce son. Toi aussi, Vaché. Ouais, c'est tuning ça. Ça dans la bagnole, enceinte, jeune talus, fenêtre ouverte, on siffle, gonzesse qui monte, on couche ensemble, on lui fait un bébé, on la quitte et on reprend sa vie de célibataire. On va se retrouver avec Bruno et Elliot qui vont être au petit-déj avec leur équipe de la Win pour Fort Boyard, ce sera dans deux minutes. On va aussi payer vos factures, il y aura le Vaché Time, alors ne bougez pas, tout de suite. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi. Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ouais. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transiter 6 à partir de 8 990 euros. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6, réservé aux professionnels. Montant hors taxe, voir Ford.fr.

On est à la maison, il y a pas papa Bruno, il y a pas tonton Elliot, il nous manque, mais putain, on peut faire ce qu'on veut quoi. On peut manger des pâtes au Nutella, tu vois, des trucs qu'on ferait pas d'habitude. Quoi. On va les retrouver dans deux minutes. Je vous rappelle que c'est vrai que c'est une émission un petit peu spéciale. Ouais. Ils enregistrent l'émission de Fort Boyard qui sera diffusée cet été sur France 2. Ils nous ont révélé la composition de l'équipe. On va en reparler avec eux là tout de suite. Ils vont être au petit déjeuner avec eux. Et alors c'est une émission un peu spéciale, mais on est connecté avec eux en permanence et ils nous font vivre un petit peu les coulisses tout au long de la journée. Mais Vaché m'a raconté un truc en antenne. Je pense qu'il faut que tu balances. Parle. Bah là maintenant, vas-y. Hein. Bah je pense que je vais pas rentrer chez moi. En fait, je reste avec vous parce que ma meuf me fait la gueule de ouf. Pourquoi ? Parce que ce week-end j'ai eu le malheur de jouer avec mon casque virtuel. Mais il pleuvait ce week-end, on est d'accord. Il faisait que de la pluie, voilà, tu vas ouais. pas sortir. Et moi j'ai acheté il y a 4 mois un casque virtuel qui permet de se connecter au téléphone et tu vas dans des mondes virtuels, voilà, tu fais des jeux vidéo. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant la journée entière. Et donc elle a pas apprécié. Et elle m'a dit je vais le foutre à la poubelle, quoi. Et c'est horrible, quoi. Et elle déteste ce truc. Ça, il y a là un nouvel ennemi. Avant c'était mon téléphone. J'ai lâché un peu mon téléphone et les applications Clash of Clans et tout. Maintenant, c'est le casque virtuel. Elle le déteste. Mais ceci dit, je me dis, dans tous les couples, il y a forcément un truc que tu détestes chez, oui. Chez l'autre. En fait, je lui ai dit, si tu casques mon casque virtuel, je suis d'accord, mais moi, je veux bien que tu brûles. Elle a une chemise de nuit que je déteste. Genre, il y a le squelette dessiné dessus, tu vois. Ouais. C'est pas du tout sexy. Et genre, la nuit, c'est fluo. Mais genre, elle s'habille comme une nana de 8 ans, tu vois. Et je lui dis, mais c'est pas sexy. Elle me dit, oui, mais c'est un cadeau de ma mère. Mais attends, mais ta mère, faut qu'elle s'achète des yeux, quoi. Tu peux pas t'acheter ça. Et moi, je lui ai dit ça, effectivement. Si je jette mon casque virtuel, tu jettes ta chemise de nuit squelette. Bah, moi, je sais que mon mec, c'est un bas de jogging. Un jogging, mais j'ai l'impression qu'il le lave jamais, déjà. C'est le premier truc qu'il met en rentrant à la maison. J'ai l'impression qu'il est vieux avec plein de taches. C'est horrible. Anthony, on a tous, les mecs, un truc qu'on n'a jamais envie de jeter, comme le vieux t-shirt. C'est pareil. Est-ce que tu le laves ? Est-ce que tu le laves ? Bien sûr que non. Et ben, on peut lancer ce sujet si vous voulez carrément. Réagir au 3228 ou avec le hashtag Bruno Fun Radio. Est-ce que comme la femme de Vaché ou donc comme moi, il y a un objet ou une chose que votre chérie possède et que vous ne supportez plus Genre vous pourriez le jeter. Venez nous le dire au 3228. Hein. Genre ton mec, je crois que c'est ta moustache. Il la supporte pas. Ouais. Mais elle va bien, moi je trouve. Moi elle va super bien. Il y a Amir qui arrive sur Fun Radio, le Vaché Time. Mais tout de suite, on se connecte avec Bruno et Elliot. Qui doivent normalement être en direct du petit-déj. Ouais, parce qu'on est en train de manger. Ça m'arrange pas parce que justement je suis en train de manger. Vous étiez en train de dire que vous nous manquez, mais nous, franchement, on est à la cool. Hein. On mange face à la mer. Ah, vous, non, êtes... Bien. Vous êtes en terrasse, il fait beau ? Il fait super beau et on est au top, petit-déj à la cool. Avec Elliot en mode saucisse. Ouais. Alors attendez, j'ai des bonjour à vous faire passer. Donc Elliot, vous l'avez vu tout à l'heure. Ouais. On est en mode petit-déj. Et. Le truc pour porter les micros pèse 800 kilos, c'est-à-dire qu'on est en 2016 où normalement on peut avoir des trucs légers. Comment ça va Gisèle ? Tout bien, bon dia, bonjour à tout le monde. Bon dia Brasil. Salut Gisèle. Ça sonne un peu les vacances, c'est que Vaché c'est parler brésilien, donc il te dit bonjour. Je pense qu'il te dit bonjour, t'as dit bonjour, c'est ça Vaché ? Ouais, c'est ça, je lui ai dit qu'elle était bonne. J'ai dit qu'il te trouvait très jolie. Ah, merci Thierry. Attends, bouge pas, j'ai quelqu'un d'autre. Ça va Thierry ? Oui, moi aussi, je suis arrivé à Fouras là. Voilà, ça va très bien. Bon dia Thierry. Alors, j'ai appris, c'est le matin, c'est obligé, pas trop réveillé, mais bon, ça va. Donc, j'adore. Donc c'est Thierry de l'amour et dans le presse, tu sais que Christina t'adore. Ouais. Mais je crois qu'on est une belle équipe, je pense qu'on va faire tomber le maximum de broyards aujourd'hui. C'est terrible. Et puis, pour faire pire que les dernières, moi. Pourquoi t'avais gagné quoi l'année dernière ? J'avais gagné beaucoup de clés, j'ai gagné même 10 minutes à la fin. Non, mais attends, mais j'ai fait la boulette de l'année et j'avais oublié la clé, quoi. Une fois. Mais c'est vrai, t'avais gagné l'épreuve et t'étais sorti sans la clé. Ouais. J'étais sorti, on chantait tous ensemble. Une fois, Olivier, il me dit, mais donne-moi la clé. Ah, ben bonne question, j'avais oublié la clé. Donc, une équipe de professionnels, hein, comme je vous disais. Alors, on rappelle qu'en plus, il y a Evangélie et Vincent de Dienne avec vous. Hein, ouais, dans l'équipe. Alors, Evangélie est pas encore arrivée. Et Vincent, qui est sous contrat avec France Inter, se cache dans un coin de la pièce parce qu'il ne veut pas parler sur Fun Radio. Il a l'air intelligent, il fait des vannes avec des politiques. En fait, Vincent, c'est vraiment le mec intelligent de l'équipe. Ça va pour Vincent ? Oui, mais là, pour l'instant, j'arrive pas à faire marcher un simple grippin. Voilà. Alors, attends, regarde, j'ai le plan pour toi. Pure, hop là, voilà. Et dis donc. Ah, voilà. Et fort ou pas ? Boyard. Bon, on vous laisse prendre le petit déjeuner tranquille. Alors là, on fait un prochain point au moment où on part. Je pense, je vais vous appeler depuis le bus. Ok, d'accord. Ça roule. Ça vous va comme ça ou pas? À moins que vous ayez prévu autre chose. Hein. Alors, non, il y a juste un truc. Si vous êtes là dans 3 minutes, on va parler d'un site qui s'appelle Face Melody et qui, en fonction de ton visage, te crée une mélodie qui, normalement, va avec ton visage. On va en parler dans 3 minutes. On a fait les tests pour vous. On a téléchargé vos morceaux si vous voulez les écouter. Ah, ben génial, génial. Donc, on prendra jamais ce petit déjeuner peinard. Non, non. Allez vous faire foutre. Ce sera juste après le Vaché Time. À tout de suite, les amis. À tout de suite. Fun. Good time. Vaché Time. Oh yeah, elle est là, la nouvelle génération d'animatrices qui déchire. Bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce que t'as fait vaché aujourd'hui alors? Alors, je me suis connecté sur le Bon Coin, ce petit site qui vend là par le biais d'internet des objets insolites, et j'ai voulu acheter une presse coupante. C'est un truc qui sert à couper du papier apparemment. Et chez les gens chez qui j'ai appelé, j'ai commencé en fait à commenter un petit peu ce que je voyais sur la photo. Donc on voyait leur intérieur, tu vois les meubles, etc. Et j'ai commencé à critiquer un petit peu. Et ils ont pas trop aimé, vous allez voir. Allô. Oui, bonjour, c'est Madame Relou. J'ai vu que vous aviez mis en vente une presse coupante sur le site du Bon Coin. Bah oui, j'ai sorti ce matin. Et je voulais me permettre une petite remarque. Oui, dites-moi quoi. Quel est le trou du cul qui a décoré chez vous? Parce qu'il n'y a aucun élément qui va avec l'autre, en fait. C'est ma femme, mais ne lui dites pas ça, parce que vous allez vous faire en bois, hein. Bah si c'est votre femme, j'espère qu'elle est aveugle. C'est la seule excuse que je prends pour mettre un canapé bleu avec une lampe verte à côté. Ça ne va pas du tout ensemble. Comment? Il n'y a rien de logique chez vous. Bon, écoutez, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais allez pas me casser les couilles avec ça. La décoration, c'est un art. Ça se respecte. Au revoir. Vous devriez avoir honte d'habiter une maison aussi désaccordée. Ah, c'est bon, allez, c'est bon. Allô? Dégage. Allô, oui, allô. Qu'est-ce que vous voulez savoir, madame? Je vous appelle parce que je voulais acheter votre presse coupante, mais votre mari a été très agressif alors que je voulais juste l'acheter. Ah bon? Quelle était votre question par rapport à la presse coupante? Bah, je disais à votre mari que j'adorais votre maison parce qu'on la voit sur les photos. Oui, d'accord. Et je lui ai fait une toute petite remarque mignonnette, il s'est énervé. Bon, donc vous voulez savoir quoi, madame? Alors, je voudrais savoir qu'une seule chose. Oui. Ça vous fait pas chier d'habiter une maison aussi moche? Vous êtes daltonienne ou quoi? Bon, écoutez, madame, à votre âge, je sais pas quel âge vous avez. Oh, enfin, vous avez que ça à faire, c'est d'emmerder les gens. Et ne me raflez plus parce que vous me commencez à vraiment me casser les couilles, hein. À côté d'un canapé bleu, on met une lampe blanche. Et vous me cassez les couilles. Mais enfin, je voulais juste vous acheter votre presse coupant. Dégage. C'est incroyable comme les gens sont méchants. Je suis une vieille table quand même, j'ai 68 ans. Oui, je comprends bien, ma bonne vieille. Je demande de respect. Bon, dans 3 minutes, Vaché, faut que tu te prépares mentalement. On va payer une facture, nous. Avec notre argent à nous. Oui, oh mon Dieu. Juste après Amir. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes là, qui dans mes là, dans mes bras. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you. Dans un instant, ce sera Dimitri Vegas sur Fun Radio. Et juste avant de payer une facture, alors Vacher va nous parler d'un site, ça s'appelle Face Melody. Alors on va quand même réaccueillir Bruno et Elliot parce que on a téléchargé leur morceau du coup. Bruno et Elliot, vous m'entendez ? Oui, on je n'arriverai pas toujours à finir ce petit déj. Pour une fois, je n'ai pas la radio en direct, je me dis je vais pouvoir bouffer tranquille. Même pas. Alors vas-y, Vacher, explique-leur. Alors Face Melody, en fait, c'est un site interactif qui fabrique une mélodie à partir des traits du visage, en fait. Il faut uploader sa photo et ça te gère, en fait, ta mélodie qui va à ton visage selon sa forme, ses lignes, sa couleur, etc. À ta voix, je sens déjà que ça va être ridicule. Non, c'est pas mal. Attends, on peut commencer avec Bruno. On a fait le test avec ta photo. Bien sûr. D'accord. Bonjour. Bonjour, Bruno. Comment ça va aujourd'hui? T'es bien. Ça fait très restaurant. Ça fait restaurant japonais, c'est vrai. Exactement. Ah ben c'est ça. T'as l'impression d'être au pays de Jade. Moi, écoutez, ce que ça donne pour moi. On dirait un jingle d'RTL. RTL, bonjour, la météo avec Sandrine Boulache. Ouais, c'est vrai. Et ben chez toi, ça donne quoi? Ah, c'est un peu comme Bruno. Mais plus électro. Perdu dans la forêt, je trouve. Moi, je trouve que ça fait du japonais tuning. Ah, d'accord, les intalus. Et Elliot, franchement, alors, on a essayé avec ton visage et la mélodie est incroyable, écoute. C'est hyper dansant, je trouve. Mais vraiment, on n'a pas trafiqué, je te jure, mec. Tout dans la volupté, la classe à l'américaine, et c'est ce que j'aime chez vous, vraiment. Et vous aviez qu'à être là. Bon, les amis, on vous laisse prendre votre petit déjeuner tranquille. Nous, on va payer une facture. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, vous partez à quelle heure exactement pour le fort? 7h30. Alors, on se retrouve juste avant, d'accord? Ça roule. A tout de suite, les chéris. A tout de suite. Bruno, allô ? Paye vos factures. Alors, tous les matins, à 7h10 et 8h10, normalement, c'est Bruno qui paye une facture, mais là, Vacher, on va devoir s'y coller. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on peut envoyer les factures? Ah, merde. Hein? Ah oui, parce que je suis là depuis 3 ans, donc je devrais savoir. Il faut envoyer soit un mail à facture@funradio.fr, ouais. Ça marche avec ou sans le S. Exactement. Ou sinon, c'est par courrier, bien évidemment, à facture... Bruno, paye vos factures. Ouais. 20 rue Bayard, 75008 Paris. Eh ben c'est bien. Tu t'en sors bien, mon Vachon. Merci, maman. Et alors, tout de suite, on va appeler Cindy. Alors, évidemment, pour que ça fonctionne, faut décrocher et faut répondre Bruno. Allô, Cindy ? Oui ? Quel est le seul animateur qui paye tes factures ? C'est Bruno, sur Fun Radio. Ouais. Bravo, ah, ma chérie. Génial. Super, merci. Bon, alors, je te rappelle, tu écoutais l'émission ou pas, Cindy? Oui, j'étais en train d'écouter. Bon, voilà, donc, t'as bien compris, Bruno et Elliot sont en train de prendre le petit-déj, ils vont bientôt partir pour le fort. C'est pour ça que c'est... Tu sais quoi, c'est Vacher personnellement qui paye ta facture ce matin. Ouais, super. Ouais. Alors, laisse-moi le temps de rassembler les fonds, d'accord? Et dans une dizaine d'années, je la paye. Non, t'inquiète pas, c'est la thune de Fun, tu vas recevoir ça très vite. Alors, c'est quoi ta facture? C'est une facture de crèche pour mon petit garçon. D'accord. Il a quel âge? Il a 9 mois bientôt. D'accord. Alors, pour le futur papa que je suis, ça coûte combien? Alors là, on est sur une facture de 227,55 €. Mais pour l'année? Non. Pourquoi? Pour le mois, j'imagine. C'est ça, pour un mois, ouais. Non, mais c'est hyper cher, Vacher. Je pense que je foutrais mon fils au chenil, là. Je pense que c'est moins cher. Avec les labradors, il sera heureux. Tu vas faire un bon père. Écoute, on t'envoie ça très vite. Le chèque part dans les jours qui viennent, ma chérie, d'accord? Super, merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bisous. Au revoir. Dans un instant, ce sera Dimitri Vegas et Like Mike Arcade sur Fun Radio. On se retrouve juste après ça. Check it out. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance electro. C'est Fun Radio. Dimitri Vegas and Like Mike. Get your hands up. Galantis. Benny Benassi et Chris Brown. Fun. Matin. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Edelweiss, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Electro Dépôt. Cet été, pour tous les événements sportifs, soyez électro-tranquille. Nos produits sont garantis 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Et en cas de panne, la grande télé, faut la ramener ? Non, on se déplace à domicile gratuitement. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Garantie soumise à condition, voire détail en magasin. Electro Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive ? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle ? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on profite de Citroën C3 avec climatisation et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C3 Vitamine est à partir de seulement 9 990 euros. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Alors que la fatigue se fait sentir sous son pneu avant gauche, nous retrouvons Romain qui passe à l'offensive. Il se connecte sur 1001pneus.fr, sélectionne ses pneus parmi les plus grandes marques. Oh, quelle vitesse pour choisir la livraison gratuite dans l'un des 6000 centres de montage. Oh, mais quelle action, quelle technique. Il finalise sa commande, clique et c'est commandé. 1001pneus. Rapide et pas cher, 1001pneus.fr. En ce moment, profitez de la technologie Bridgestone, le numéro 1 mondial des pneus, et recevez jusqu'à 50 euros de remise. Voir conditions sur 1001pneus.fr. TF1. Bonjour, c'est Arthur. Retrouvez-moi en direct ce soir sur TF1 pour un nouveau rendez-vous quotidien. Jeux, quiz, parodies, micro-trottoirs avec ma bande. Vous ne verrez plus l'actu de la même façon. 5 à 7 avec Arthur à partir de ce soir en direct du lundi au vendredi. TF1, partageons des ondes positives. Skoda. Attends, je connais une technique pour réparer ton pneu. D'abord, tu fais fondre un morceau de caoutchouc avec un briquet, tu vois. Non, mais t'inquiète. T'étales bien au niveau de la crevaison, tu laisses sécher. Ouais, ouais, mais... Ensuite, faut gonfler. Pff, tu prends une pompe à vélo. C'est bon, je te dis. Chez Skoda, mes pneus sont assurés 3 ans et 100% remboursés la première année en cas de dommage. Et jusqu'au 13 juillet, le pneu Bridgestone 16 pouces est à 71 euros seulement. Et je peux prendre rendez-vous sur skoda.fr/RDV. Clic, clic. Ah. Skoda. Passer en mode facile. Offre réservée aux particuliers chez les partenaires participants. Conditions sur skoda.fr. La zone anti-vie chère est chez Intermarché pour encore une semaine. Eh oui, vous les jouez en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et jusqu'à 50% en avantage carte. 50%, ça c'est sport. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalités et magasins participants sur intermarché.com du 7 au 12 juin. Tous les matins. Morning, go. C'est Bruno dans la radio. Make some noise. Bienvenue à tous sur Fun Radio, il est 7h22, vous continuez de communiquer avec nous avec le 3028 ou alors sur Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio. On a des tweets vachés. Ouais, et on est toujours entêtés, merci à tous. Et on a des tweets qui disent déjà que Christina est excellente. Oh, ouais, merci. C'est Chouchoune qui dit ça. Ah, oh, c'est gentil. Après, il y a Antares qui dit bonne chance Bruno avec ton équipe de rêve, avec Elliot donc pour Fort Boyard, on rappelle qu'ils sont en direct du Fort. Après, il y a Julie qui dit avant un oral de concours, meilleur anti-stress, la famille Bruno Fun Radio, au top, merci beaucoup. Et Checkmate qui met Bruno Fun Radio, quoi qu'il arrive, l'animateur de BDLR a toujours de la moustache, en référence à Christina. Ah, c'est sympa. Je rappelle que c'est une vanne, ouais. Christina n'a pas de moustache, elle a un petit bouc qui lui va très bien. C'est sympa. Bon, on va d'ailleurs retrouver Bruno et Elliot qui vont pas tarder là, à partir pour le Fort Boyard. Ils vont partir en bateau. Et à 7h30, vous retrouverez comme d'habitude la chanson du jour. Alors aujourd'hui, on a une auditrice qui veut demander quelque chose à son mec. Oh là là, genre elle est pas contente. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est genre tu fais pas assez de ménage ? C'est quoi ? Non. C'est genre t'es pas assez présent ? C'est tes potes qui passent avant moi ? Non, pas du tout. C'est pas du tout une plainte. C'est une bonne chose. C'est peut-être une bonne nouvelle ou pas. Je sais pas. On va voir ça à 7h30. Est-ce que tu veux te marier avec moi ? Enfin, c'est de la galère quoi qu'il y a. Dans tous les sens. Bon, la réponse tout à l'heure à 7h30. Le temps de se faire. Dimitri Vegas et Life, ah ouais. Mike. J'ai bien envie de me le faire, moi, Dimitri Vegas. C'est marrant que t'en parles, j'ai toujours rêvé de me le faire. On y va, on se le fait maintenant. C'est Arcade sur Fun Radio. The radio of Dimitri Vegas and Like Mike is Fun Radio. arrive sur Fun Radio. Il est 7h25. Bruno dans la radio, c'est vous, au 3228. Bon, on va rapidement retrouver Bruno et Elliot là dans deux minutes. Juste avant, on va parler de ce sujet. C'est toi qui l'as lancé, Vacher. Tu t'es pris la tête avec ta meuf ce week-end. Oui, parce que j'ai un casque virtuel. Et le casque virtuel, c'est la vie. Ça permet de se connecter dans des mondes parallèles, en fait. Là, je jouais par exemple aux montagnes russes. Tu vois, c'est comme au Futuroscope, quoi. Ouais. Tu mets ton téléphone dedans et puis voilà. Et j'ai fait des montagnes russes pendant 4-5 heures, quoi. Mais je te rappelle que ta chérie est enceinte et qu'elle a besoin de ton attention. Bah, il paraît, ouais. J'ai découvert ça, je savais pas. Moi, je croyais qu'une femme enceinte, justement, elle avait un bébé dans le ventre. Déjà, elle pouvait s'occuper, quoi. C'était rigolo. Et ça vous a fait réagir parce qu'on vous a demandé s'il y avait des choses que vous ne supportiez plus que possédait votre chérie et que c'est vous vouliez même jeter. Et vous nous avez été nombreux à réagir avec le hashtag Bruno Fun Radio et à nous appeler au 3228. Et on a notamment au téléphone Noémie. Bonjour Noémie. Salut tout le monde. Coucou ma Bonjour. Chérie. T'as 22 ans, tu nous habites de Vannes. Oui. Et donc tu es en couple. C'est ça. Et c'est quoi le truc que tu supportes pas chez ton chéri? Son doudou, crade, qu'il a gardé de quand il était petit. Ah d'accord. C'est mignon, mais quand le truc, il est tout miteux, qu'il ressemble plus à un rat qu'à une petite souris... Okay. Quand il est dans le lit, c'est un peu tu l'amour. J'avoue que quand elle a dit son doudou, je me suis dit ok, elle sort avec un mec de 6 ans et c'est très très gênant. Non, c'est très gênant. Même pas, il a 23 ans. Ah, je comprends ma chérie, mais bon, il doit y être attaché, j'imagine. Ah ouais, mais bon, il y a des limites. Le truc, il a été rapiécé, re-rapiécé. C'est une horreur. C'est un monstre, le truc. Bah, on a aussi Régis qui a 28 ans, qui est un peu dans le même délire que toi, Noémie, parce que c'est un vieux truc aussi, visiblement. Salut Régis! Salut la famille. Salut. Ça va et vous? Très bien. Tu nous appelles de Lille dans le Nord. Ça fait deux fois. J'ai pas relevé la première fois quand t'as dit que tu nous habites de Vannes. Mais attention, tu sais qu'il y a Bruno qui nous écoute. On va être noté à la fin. C'est un contrôle, Christina. Oui. C'est quoi le truc que t'aimerais acheter qui appartient à ta meuf? Ah, c'est vieille culotte de grand-mère. J'en peux vraiment plus. C'est le truc tue l'amour par excellence. Oh là. Elle met jamais de sous-vêtements sexy? Bah, c'est très très rare, parce que bah, elle préfère ses vieux slips où elle est bien à l'aise, quoi. Oh, le terme. Toi, c'est comme culotte, tu peux pas l'utiliser pour un mec. Ça fait bizarre de dire je mets des culottes. C'est pour une fille, quand tu dis slip, c'est que c'est vraiment pas joli. C'est vraiment pas mon glamour. Mon pauvre. Et bon courage. Tu sais que ma femme, elle m'a fait ça aussi. Quand on commençait à sortir ensemble, elle mettait des tangas ou tongas, je sais pas comment on dit. Des tangas. Des tangas. Ouais, des tangas, voilà. C'est genre un peu des strings, quoi. C'est hyper sexy, tu vois. Et à partir du moment où on a aménagé ensemble, le tanga s'est élargi. Et là, le tanga, c'est un boxer, en fait. Et courage, mec. Tu sais quoi, on est dans la team culotte. Merci Régis de nous avoir appelés. On t'embrasse aussi Noémie. On va rapidement retrouver Bruno et Elliot. Vous êtes avec nous? Écoute, Bruno est en train de prendre des selfies, il kiffe son petit-déj, mais moi je suis là, ça y est. Mais non, je suis en train de faire vivre l'émission, quoi, tu vois, sur les réseaux sociaux à fond de canne. Un direct de Fort Boyard, comment ça se passe? Attends, là Bouge pas. Attends, je reprends mon micro. Ah oui, il faut qu'on aille la voir. On va se retrouver dans deux minutes, les garçons. Vous pouvez attendre encore deux minutes. T'as la pub, t'as les infos, oui. On a de la pub, vite. Bon, d'accord. Il y aura aussi Boosty qui arrive. Continuez d'agir avec le hashtag Bruno Fun Radio. On se retrouve dans deux minutes, les amis. Eh bien, très bien, faisons ça. À tout de suite. Bisous. Jean-Paul ? Incroyable. Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ben, je suis là. Chez Volkswagen ? Oui, depuis 15 jours. Ben, t'étais pas prof de maths ? Si, enfin... Mais tu fais quoi chez Volkswagen ? Ben, comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 euros, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseau participant. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Tous les 200-300 bornes, j'ai encore au garage.

Écoute là, ouais, je suis devant, juste devant, là, je rejoins Bruno à l'instant. On est devant le camion qui va nous emmener au bateau. Il va t'expliquer ça. On appelle ça un van, hein, Elliot, hein, pas un camion, c'est pas une bétaillère. Hein. À partir du moment où il y a des sièges, c'est que normalement, c'est qu'il y a des gens qui s'assoivent. Qui s'assoivent. Oh, oh là, c'est magnifique ce que je viens de faire. Oh, ça y est, et, je côtoie Evangélie depuis 24 heures, ça y est, j'ai dit s'assoivent. Oui, puisque. Eh, bon, bah, viens dire bonjour. Pour tous ceux qui nous rejoignent ce matin, vous avez annoncé la composition d'équipe. Ouais, alors attends, j'ai Eve Angélie, j'ai Eve avec moi, ça va Eve ? Ça va très bien, j'ai la bouche pleine, mais tout va bien. Ah. Alors oui, on sait de la radio, donc faut expliquer. Elle est en train de manger un sandwich. Hein, Oui, c'est bien de le préciser. On dira à ta femme. Donc Eve Angélie fait Fort Boyard avec vous, il y a aussi Gisèle Suarez. Ouais. Il y a Thierry... qui est déjà dans le van, Gisèle. T'as peur qu'on t'oublie en fait. Hein. Voilà, elle est deux dans le van. Il y a Thierry Delamoré dans le pré. Ouais, qui prend des photos. Et il y a Vincent De Diane aussi avec vous. Et il y a Vincent, ouais. C'est notre caution intellectuelle, Vincent. Voilà. Toujours prendre un animateur de France Inter avec toi. Donc on m'a toujours dit. Vous allez enregistrer Fort Boyard, l'émission sera diffusée cet été sur France 2. Ouais. Alors. C'est ce qu'on disait, si c'est une bonne émission, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent sur Twitter, elle sera diffusée quand ? Si l'émission est bien, ce sera entre juillet, août ou septembre. Si l'émission est pas bien, on sera le soir de la finale de l'Euro de foot, je pense. Ah, bon, soyez bons, il y a plein de messages qui arrivent pour vous encourager avant le départ avec le hashtag Bruno Fan Radio. Ouais, il y a Mylène qui dit bon courage, éclatez-vous et rapportez plein de boyards. Je compte sur vous, de boyards. Il y a Ilona qui dit bonne chance Bruno et Elliot, vous êtes les meilleurs. Il y a Antares qui dit bonne chance Bruno avec ton équipe de rêve, Elliot. Putain, c'est beau ça. Équipe de rêve. Moi, je vis un rêve de gosse. Alors, je vais être honnête avec vous. Elliot, il fait moins le fanfaron depuis ce matin. Il est un peu en stress quand même. Il est un peu en montée de stress quand même. Ça va bien se passer. Donc là, on vous laisse monter dans le van. Vous prenez le bateau dans la foulée. Là on prend le van, on est à Châtelaillon, géographiquement je vous explique, on part à Foura parce que c'est à Foura qu'il y a l'embarcadère pour Fort Boyard. C'est quoi, une demi-heure de voiture? Et on est à 20 minutes là de bagnole, okay. Et donc on est joignable, on est dans le van, on peut vous faire découvrir la Charente-Maritime, les routes Charente-Maritime en direct dans toute la France. Alors il y a un truc génial ici, et ça je le dis pour ceux qui nous écoutent dans la France entière, il y a une boule jaune qui est dans le ciel. Et il paraît que ça s'appelle le soleil. C'est beau. Et il fait un temps de ouf. Oui, et la boule qui est dans ta voiture, elle s'appelle Elliot. Elle lui manque pas de respect. Non, mais tu sais, le truc chiant, en fait, Elliot flippe un peu parce que quand il fait pas beau, il y a des épreuves qu'on peut pas faire sur le fort. Il y a des aventures qui sont compliquées. Genre, tu vois, le saut à l'élastique, tout ça, quand le temps est pas bon, ils le font pas en général. Mais comme là, il fait très beau, toutes les épreuves sont disponibles. L'eau est à 13 degrés en plus. Ça va être fantastique. Bon, on vous retrouve alors dans 2 minutes en direct du van, d'accord ? Ok, ça roule, à tout de suite. De suite, et c'est la chanson du jour pour le moment. Are you ready? Bruno. Le lundi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du lundi. La chanson du lundi. La chanson du jour, c'est quoi? C'est notre rendez-vous de 7h30. Vous avez un problème, vous avez un message à faire passer, vous n'avez pas les mots. Vous nous le demandez, on écrit une chanson et on fait passer ce message pour vous. Et l'adresse pour communiquer, c'est bruno@funradio.fr. Et c'est ce qu'a fait Aurélie. Bonjour Aurélie. Salut Christina, salut toute l'équipe. Bonjour. Ça va ma chérie Aurélie. Oui, ça va et vous? Oui, très bien. Tu nous appelles de Colmar, t'as 21 ans. Oui. Et alors, quel message tu veux faire passer? J'ai dit tout à l'heure, elle a quelque chose à demander à son mec. Quoi? Vous aurez la réponse tout à l'heure. Donc alors, qu'est-ce que tu veux lui demander à ton mec? Moi, je veux lui demander qu'il vienne vivre avec moi. Ah, et vous en avez parlé un petit peu avant ou pas du tout? Il y a un moment qu'on en a un petit peu parlé, mais sans plus. Ok. Bon, écoute, tu penses qu'il sera chaud ou pas? Bon, on espère. Hein. Mais oui, attends, nous les mecs, on est toujours hyper chaud de perdre notre liberté, de se dire on va se mettre en couple. Non, et comme non, ça, mais on attends, écoute, alors déjà vous êtes en couple depuis 9 mois, il faut le dire. Votre relation est intense, hein, c'est ce que tu nous as dit tout ça. Vous voyez tous les soirs, Jonathan dort chez Aurélie tous les week-ends. Alors vous avez chacun un appart, mais visiblement le tien est un peu plus grand, donc tu voudrais qu'il vienne emménager chez toi. Oui. Vous vous donnez des petits surnoms ridicules. Alors Jonathan, c'est Panda. Et, oui, c'est ça. Et toi, c'est Koala. Oh là là. Et alors, tu nous as dit, je veux qu'il vienne vivre chez moi car je lui ferai des bons petits plats. Tu vois, c'est pas mal, Vaché. Ouais. Et elle lui promet plein de câlins coquins dans toutes les pièces. Moi, je me dis, si elle continue, elle, à payer le loyer. Dans ce cas, il est quand même gagnant. Non, mais c'est alléchant. Je pense qu'il est obligé de dire oui, ton mec. Ouais. Bah oui, on espère. Bon, écoute, on va l'accueillir et on se retrouve juste après. D'accord. Jonathan ? Oui ? Bonjour Jonathan. Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Bon, est-ce que tu sais pourquoi tu es là ? Non, pas du tout. Alors, tu es en direct sur Fun Radio. Bonjour. Bonjour et bienvenue à toi. Je suis Christina, je suis avec Vaché. Il y a quelqu'un qui veut te faire passer un message. Chouette. Et cette personne, c'est Aurélie. Tu vois qui est Aurélie ? Oui, je vois très bien qui c'est, ouais. C'est qui ? C'est ma copine, ouais. D'accord. Eh bien, elle a un message à te faire passer en chanson. D'accord. Donc, tu écoutes les paroles et on se retrouve après, ok ? On est là, t'inquiète pas, hein, on est là, on est avec toi. Ça va bien se passer. À tout de suite. Tous les soirs, quand on se sépare, je suis dégoûtée de ne plus t'avoir. Tu me l'as proposé, mais j'ai refusé. Mais aujourd'hui, je suis décidée, je suis sûre de vouloir te voir tous les soirs. On se replaise au plus marre. Et je te préparerai plein de petits plats, et je serai tout à toi. Alors chérie, est-ce que tu voudrais venir vivre chez moi ? Jonathan. Oui. T'as compris les paroles ? Ah oui, j'ai très bien compris le message. Surprise. Et alors, t'en penses quoi ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord, elle veut ça. Je travaille là-dessus, donc ouais. Aurélie est en direct avec nous, bah, je crois que t'as entendu la réponse. Oui, bah, c'est super, je suis super contente. Ah bah, félicitations. Bravo. Ça a jamais été aussi facile. Jonathan, on est d'accord que les câlins, ça a pesé dans la balance, non ? Les câlins dans toutes les pièces. Bah oui, forcément. On en reparle dans 6 du packaging. On en reparle dans 6 mois quand vous ferez l'amour qu'une fois par mois, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, on a tous vécu encore, ça. On n'y est pas encore. On vous embrasse, les chéris. Soyez heureux tous les deux. Merci. Bisous. Dans un instant, on va écouter Boosty. Et Manon a besoin de nous. Elle a besoin d'un service express. Ça roule. A tout de suite sur Fun Radio. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port-Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJs de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non ? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien ? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien quand on conduit Citroën C4 avec kit main libre Bluetooth et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C4 Vitamine est à partir de seulement 13,990€. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Fun Radio. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Radio. 7h48 sur Fun Radio, bienvenue. Dans un instant, on va écouter Boosty. Je vous rappelle que je suis avec Vacher ce matin, on est tous les deux en amoureux. Et bonjour, ça va demoiselle? On est ici dans ce studio, Bruno et Elliot, eux sont en train de partir pour Fort Boyard. Ils sont en ce moment dans la voiture qui les emmène pour le bateau. On va se connecter. On est là. Ah, vous êtes là. Comment ça va alors? On est là, on est au taquet. Écoute, on va arriver à Fourra là. On va arriver à Fourra. Je suis en train de lire tous les messages qui arrivent avec le hashtag Bruno Fun Radio d'encouragement. Ouais. Top. Il y a beaucoup de messages pour vous deux qui disent que vous assurez aussi, ça fait plaisir. Ah, c'est gentil. Oui, c'est un message. Il y a quelqu'un qui a mis sur Twitter Christina qui présente l'émission toute seule. C'est comme Enora quand elle présente toute seule TPMP. C'est pas la même saveur. Et j'ai répondu, c'est un peu comme comparer le caviar et les œufs de lompe. Ah, merci, ça me fait plaisir. Parce que je savais pas comment je devais le prendre. Les messages de soutien qui disent. Lu sur le caviar. Les messages qui disent c'est génial et tout, c'est moi en fait qui crée des comptes. Ça nous donne de la confiance. Bon, donc là, vous êtes dans la voiture qui va arriver à Fourra. On arrive, écoute, on va être à Fourra dans 3-4 minutes. Alors après, comment ça se passe? On arrive sur la pointe de la fumée, c'est là où il y a l'embarcadère pour Fort Boyard. Ouais. Et après, on prend le bateau et on va sur le fort. Ouais. Avant, on a le petit briefing. En fait, il y a un briefing où il t'explique que tu es susceptible de croiser différentes bêtes à l'intérieur du fort. Et donc, en fait, ils sortent t'as des serpents en plastique, des fausses araignées, etc. Juste pour t'expliquer comment les prendre pour pas blesser les animaux. Ah, d'accord. Et juste, on peut pas tout dire, mais genre, il y a un truc. Apparemment, dès qu'on arrive, il y a déjà une épreuve. Quand on sort du bateau, on peut dire ça? Mais non, c'est pas une épreuve. Ouais, mais c'est bizarre. Attends, on va falloir monter sur une nacelle. Ouais, en fait, pour accéder au fort, t'es treuillé avec une nacelle. Et Elliot, déjà, flippe avec le treuil et la nacelle. Mais il y a pas d'ascenseur. Je dis Elliot, mais Vincent De Dienne aussi est dans le même délire. Ils sont en blocage sur la nacelle, déjà. Et on a même pas de clé, apparemment, si on arrive à rentrer dans le fort. Oui, et on pourra se reconnecter avec vous dans le bateau ou ça va être mais chaud on est, ouais, non. On va être là au taquet, on va faire un Facebook Live aussi, je pense, sur le bateau. Ah, après, ça dépend si on a de la 4G, mais normalement, ça devrait bien se passer. Ok, bon, bah, on vous retrouve dans 3 minutes alors. À tout à l'heure, les chéris. À j'ai tout de suite. On va accueillir Manon tout de suite. Elle nous a appelé au 3228. Salut, ma chérie. Coucou, la famille. Comment bonjour, ça va Gina. Ça va et vous? Bah, ça va, mais alors, je crois que t'as un truc à nous demander ce matin. Oui, voilà, j'ai appelé l'émission parce que j'ai un service express à vous demander. Je suis avec mon chéri depuis 6 ans et demi. Et là, le baptême de mon fils a lieu fin du mois. Et j'aimerais le demander en mariage. Tu voudrais demander ton mariage en mariage ton chéri? Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, alors. Eh bah, ben, lançons le service express. Ah, on va le lancer. Service express. Sur Fun Radio, les services express, c'est quoi? Bah, vous avez besoin d'un service, vous nous appelez au 3228 et on essaye d'apporter une solution. En tout cas, vous essayez de nous en apporter une parce que nous, on n'en a pas forcément mais tout là, le temps. Mais là, c'est chaud quand même. Bah, déjà, est-ce qu'il est chaud pour se marier? C'est la première question. Je pense, oui, je pense. Mais pourquoi il en fait, pas... c'est moi qui étais toujours de base réticente au mariage. Mais là, je sais pas, depuis un moment, j'y pense d'accord. beaucoup, beaucoup. Donc genre, il t'en parlait avant, mais toi, t'étais pas hyper réactive, quoi. Ouais, c'est ça. C'est d'accord, ça, okay. Oui. Donc ce serait une vraie surprise pour lui. Voilà. Bon, bah écoute. Et donc, j'aimerais bien en profiter tant que la famille de son côté et de mon côté soit rassemblée, comme c'est jamais le cas. Ah, c'est pour vrai le baptême de notre petit. Ça voilà, peut quoi. Être canon. Vous avez une idée pour Manon? Comment est-ce qu'elle peut demander son mec en mariage? Ce sera donc le jour du baptême de ton fils. Vous nous appelez au 3228. Vous pouvez nous le dire aussi avec le hashtag Bruno Fun Radio. Et on se retrouve dans 5 minutes, ma chérie. On fait comme ça? Ça marche, merci. Bisous, à tout de suite. Bah, à toi aussi. J'aime bien les auditeurs qui font bah. Le temps d'écouter Boosty et juste après ce sera le JPI. À tout de suite sur Fun Radio. Bah. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Hein. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non j'ai pas une vie droit, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song I feel alone. Watch these people look so happy all around. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Il est 7h55 sur Fun Radio. Dans 20 minutes, on va vous payer votre facture pour participer. Vous avez encore le temps, hein. L'adresse, c'est facture@funradio.fr. Je viens de tomber sur un article de ouf. pour tous ceux qui ont des enfants, attention, c'est hyper dangereux. Apparemment, c'est pas en France, c'est en Irlande du Nord. Mais il y a un enfant de 5 ans, genre son père lui avait acheté des Kinder Surprise à la cool. Et le mec, enfin le petit, a ouvert l'œuf. Et à l'intérieur, il n'y avait pas le petit jouet, le petit œuf qu'on aime bien. Il y avait de la méthamphétamine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la drogue qu'ils utilisent dans Breaking Bad, je crois. J'ai pas vu la série, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Hyper fort en plus comme drogue. Hein. Ah ouais, non, genre c'est de la drogue qui te rend hyper addict, qui fait tomber les dents, je crois, et tout, etc. Mais genre le petit, il l'a pas touché quand même. Non, il est allé voir son père, il a dit bah, c'est bizarre quand même, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, le truc, c'est que ça doit être un dealer qui avait fait ça pour passer la douane en fait. Ouais. Et qui a dû perdre le truc, et ça s'est retrouvé dans les mains du petit. Et moi, j'ai juste une pensée pour le client qui achète régulièrement de la drogue, qui lui, à l'inverse, s'est retrouvé avec un sachet avec à l'intérieur une figurine de Pikachu. Et qui a dû bien faire la gueule. Le JPI vous est présenté par la grosse émission, tous les jours sur Comédie Plus à 18h22. Environ. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Dis donc, ce serait pas la deuxième édition du JPI? Eh ouais, on n'a pas en image. Eh ben, on y va, c'est parti. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, tennis, c'est Novak Djokovic qui a remporté la finale homme de Roland-Garros. Et du côté des femmes alors? Bah, cherchez vous-même, hein. Ici on parle des infos importantes. Événement aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Et notez que le Ramadan, c'est un peu comme Koh-Lanta. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne couche pas, sauf qu'à la fin, il n'y a pas l'épreuve des poteaux ni les 100 000 euros. Samedi soir, la France a battu l'Écosse 3-0 pour son dernier match de préparation avant l'Euro, grâce notamment à un magnifique geste technique d'Olivier Giroud. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? Ah, vous êtes avec le gardien écossais, Anthony? Non, je suis avec Karim Benzema. Il vient de revoir le doublé d'Olivier Giroud et son geste technique. Enfoiré! Ouais. Courage, Karim. Et bonnes vacances. La suite. Et pour finir, si vous aimez les chanteuses suédoises et les bruits insupportables, découvrez Zara Larsson. Ah, bravo, hein. Merci. Il n'y a pas Bruno, donc les vannes de fin, on les applaudit maintenant. Allez, pense dans bravo. Ta face, Bruno. Boum, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Et d'ailleurs, Zara Larsson, ce sera mon invitée dans les People à 8h15. Oh, et je lui ai posé une question un peu coquine. C'est pas la dernière, Zara Larsson. Non, je vous jure, vous allez découvrir ça. Ce sera tout à l'heure à 8h15. On va aussi écouter Kungs. Il y aura aussi David Guetta. On va retrouver Bruno et Elliot en direct du bateau. Ils sont en route pour Fort Boyard. On va aussi payer de la facture, Vaché. Une deuxième facture, t'es prêt? Oh mon Dieu, m'arrêter. Donnez-moi la thune. Il y a toujours le service express de Manon sur le feu. Si vous avez une idée, comment est-ce qu'elle peut demander son mec en mariage, vous nous appelez au 3228 ou alors vous réagissez avec nous avec le hashtag Bruno Fun Radio. À tout de suite. Dans un monde sans espoir, sans âme, sans rire, sans dentifrice, elle est la seule à pouvoir changer les choses. La grosse émission revient sur Comédie Plus, du lundi au vendredi à 18h22, environ. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Quelle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Hello les filles, c'est Sananas. Sephora. Vous en avez marre d'attendre le soleil? Je vous le dis souvent, mais la poudre bronzante, c'est LA solution pour avoir bonne mine. Du coup, chez Sephora, avoir un teint bronzé sans soleil, c'est super facile. Au Make-up Bar, de super pros sont à votre dispo pour tout vous expliquer. Résultat? Un teint californien et les conseils qui vont avec. Moi, je valide. Et en plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora. cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à deux fois moins cher. Bon, eh bien je me lance. Et actuellement, en commandant sur Oscaro, vous bénéficiez de 10 euros de remise sur showroomprivé.com. Une offre 100% gagnante. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Dans 10 minutes, on va payer votre facture. Ce sera peut-être la vôtre si vous l'avez envoyée. Facture@funradio.fr. Il est 8h01 sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance Floor. C'est l'heure de retrouver les infos avec Justine Salmon. Bonjour ma Juju. Bonjour Macri, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo avec une matinée agréable et ensoleillée. Ça va se couvrir avec un risque d'orage. Attention, ce sera sur une grande moitié nord et sur le sud-ouest. 14 départements sont encore en vigilance orange aux inondations. Tous les départements de Haute-Normandie et de l'Île-de-France, ainsi que le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre et l'Indre-et-Loire. Les températures, elles sont en hausse. Il fait de 12 à 18 degrés ce matin. Et cet après-midi, on attend 17 à Dieppe, 22 à Bayonne, 25 degrés à Limoges et 27 à Strasbourg. Et si on regarde la semaine, ça s'annonce plutôt mitigé. Mais notez, si tout va bien, on aura une belle journée printanière jeudi. Une semaine après le début des intempéries, c'est l'heure de faire les comptes et les dégâts pourraient coûter plus d'un milliard d'euros. Une réunion a lieu ce matin entre le gouvernement et les assureurs. Et Manuel Valls a prévu de se rendre à Montargis, une des villes sévèrement touchées par les inondations. Ce matin, 7500 foyers sont toujours privés d'électricité. Et dans le Loiret, la 10 entre Orléans et Paris est toujours inaccessible. François Hollande, plus que jamais derrière les Bleus. Le président a dîné hier soir avec les joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine. Ils lui ont offert un maillot floqué à son nom avec le numéro 24. Et par ailleurs, lors d'une conférence de presse, le chef de l'État a admis que la menace contre la sécurité de l'euro existait bien. Et il a aussi lancé un appel implicite à l'arrêt des grèves à la SNCF ou à Air France pour ne pas gâcher la fête. Et ce lundi, comptez 6 TGV sur 10 et 6 TER sur 10 également. Le ramadan démarre aujourd'hui, un mois de jeûne pour les musulmans français, sans boire, sans fumer, sans relations sexuelles aussi, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et puis Novak Djokovic entre dans la légende, le Serbe a remporté hier son premier Roland-Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qui manquait à son palmarès. Les Françaises ont également brillé, le duo Kristina Mladenovic-Caroline Garcia a remporté la finale du double féminin. Il est 8h03, bon réveil. Fun Radio. Nous sommes le lundi 6 juin, il est 8h03. Bonjour! Bonjour! Je suis Christina et je suis accompagnée du merveilleux Vacher. Oh merci ma sublissime Christina, je ne sais pas si ça existe ce mot. C'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, mais toute l'équipe est là. Il y a la team du JPI qui est décimée parce que je crois qu'il y a une pause caca qui se joue, c'est ça? Alors, Carina est aux toilettes, ouais, absolument. Christina, c'est un truc qui ne se dit pas normalement. Ah bon? Ouais, on dit pas. Moi j'ai envie de le dire. Quand une fille fait caca, ça se dit pas, c'est pas grave. On a Fonf à la Réal, ça va ma Fonfi? Ça va très bien. On a l'équipe du web, on a Nicolas, on a Meryl, ça va les amis? Oui. On a aussi le standard, ça va Luzman? Oh ouais! Ouais, on a le premier super-héros, oh vous pouvez l'appeler directement, c'est au 3228. On a Amélie, ça va ma chérie? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Mathilde, ça va? Toujours au top! Et en fait, alors, je viens de me rendre compte, on est hyper nombreux dans l'équipe. On est hyper nombreux. On a Didier qui est là, moi je ne les connais même pas. Didier, oui, bonjour. Je ne sais pas qui c'est. Alors vous avez remarqué, il manque évidemment Bruno et Elliot. Ouais. Bruno et Elliot, ils sont en ce moment même sur le bateau qui les emmène à Fort Boyard, puis qu'ils enregistrent l'émission aujourd'hui qui sera diffusée cet été si tout va bien. Je dis si tout va bien parce qu'on va quand même rappeler la composition de cette équipe de rêve. Ouais, vas-y, vas-y. Vous nous entendez Bruno et Elliot? Vous nous entendez, vous ou pas? Oh là là! Oui, on vous entend! Il y a du vent, quoi! On est sur le bateau, on est complètement sur le. On est sur le bateau. Alors, on peut vous voir sur, le, sur la page Facebook de Bruno de la radio, en direct, ouais. On est sur le Facebook Live. Normalement, vous voyez Fort Boyard derrière moi pour ceux qui sont sur la page Facebook. Et là, voilà, on est en route. Alors, et on va. Ah oui, je commence à avoir peur de ouf. On va pas vous le cacher, le son est dégueulasse, mais ça change pas trop des auditeurs que nous met Loosman à l'antenne. Donc. Aurélien est en train de se dire merde, j'ai loosé. on est sur le bateau, on est dehors, il fait un temps magnifique. Et donc, on avait tout équipe. Elliot est déjà malade sur le bateau. En fait. Oh d'accord. Non, et vous en avez pour combien de temps là sur le bateau? Là, on a pour 10 minutes de bateau à tout péter. Ok. 10 minutes de bateau et puis après on rentre sur le fort. Ensuite il y a le briefing et tout ça. Attendez, on a deux secondes ou pas? Oui. Faut qu'on vous présente des gens que je viens de rencontrer. C'était un rêve de gosse. Vous nous entendez ou pas? Ouais, on entend. Dédé, viens là. Dédé. Deux secondes. C'est Passepartout. Passepartout. Ah. T'es en direct sur Fun, mon poteau. Salut, ça va? Hey, salut Passe. Alors, tu le sens comment, Elliot, pour son premier Fort Boyard? Ouais, je le sens bien, je pense qu'il va ramasser toutes les clés, je pense. Ah, il me connaît pas encore, c'est pour ça. Eh, hey, mais alors, tu sais qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre la voix de Passepartout. Il a une voix hyper sexy, hyper alors, grave. C'est Christina qui bosse avec moi qui dit on n'a pas l'habitude de t'entendre sur le fort. Elle trouve que t'as une voix super sexy. Bah, tu vas m'embaucher alors. C'est ça. Attention, Passepartout, on ne peut pas passer partout. Christina a déjà un copain. Bon, on va rappeler quand même la composition de l'équipe. Vous savez ce qu'on va se retrouver dans 10 minutes dès que vous arrivez sur le fort. Ok, pas de soucis, les amours. A tout de suite. À tout à l'heure. Et on va quand même rappeler donc la composition de cette équipe. Si vous arrivez donc que maintenant, c'est une équipe de rêve. Je pense qu'on peut le dire comme ça, Vachel. Bien sûr, on a une intellectuelle déjà, je crois. On a un intellectuel. Ah ouais, c'est Vincent de Dienne. Ah, moi, je pensais à Evangeli. Oui, c'est elle l'intellectuelle, c'est Evangeli. Il y a aussi Gisèle Suarez. Alors, si vous avez écouté l'été dernier sur Fun Radio, vous l'avez entendu, elle va bientôt présenter le Mad Mag aussi. Ouais, elle est brésilienne, oui. Exactement. Et puis, alors, il y a mon chouchou. Il y a Thierry de l'Amour et dans le Pré. Thierry de l'Amour et dans le Pré, c'est celui qui avait inventé la Swanol. Ouais, oui. Moi, j'aime bien danser. Il y a la discothèque, mais bon, c'est de la Swanol. C'est quoi ça, la Swanol? Parce que c'est de la nouvelle musique. Ah, la techno, tout ça. Voilà. J'appelle ça de la Swanol. Et pourquoi la Swanol? Je sais pas, c'est lui qui a inventé ce mot. Non mais ça va être énorme. En tout cas, merci parce qu'on est entêté avec le hashtag Bruno Fun Radio. Déjà, merci de votre soutien pour nous deux, pour Vacher et moi. Et puis merci pour vos encouragements pour Bruno et Elliot. Moi, je pense qu'ils vont tout déchirer, c'est certain. Mais oui, et surtout qu'Elliot, on se disait, tu vois, c'est le moins sportif de l'équipe. Mais finalement... Ouais, je pense qu'il finalement, va être on va pas mal. Peut-être compter sur lui. Bon, on a un service express à gérer là. Le service express, c'est quoi? C'est vous qui nous appelez au 3228 parce que vous avez besoin d'un truc, d'un conseil ou vous ne savez pas comment faire pour faire quelque chose. On essaye, je dis bien, on essaye de vous aider. Et alors, c'est le cas de Manon. Comment ça va, Manon? Recoucou, ça va et vous? Ça va très bien. Donc, Manon, en fait, tu nous as expliqué que tu étais avec ton chéri depuis combien de plus temps? Plus de 6 ans. 10 ans? Ah ouais. 6 ans. Ah, c'est pareil. Ouais. Donc, tu es avec ton chéri depuis plus de 6 ans. Tu as un fils que tu vas baptiser à la fin du mois. C'est ça. Tu as envie de demander en mariage ton chéri, mais tu ne sais pas quoi faire. Bah oui, c'est ça. Et tu veux le faire pendant la cérémonie de baptême, c'est ça? Bah, j'aimerais bien, quand les invités sont à la maison, pouvoir l'annoncer, pas par un discours, mais je sais pas vraiment comment m'y prendre. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils. Bah écoute, on a beaucoup d'auditeurs qui nous ont appelés au 3928. C'est le cas de Didier. Comment ça va, mon Didou? Bonjour Isa, bonjour Haché, bonjour la famille. Bonjour quoi t'as dit? Isa je pense. Isa. C'est ce que Didier à mon avis il a déjà... J'ai vu que tu venais de Nantes, t'as pris un petit verre de muscadet ça. Voilà c'est ça. C'est normal Didier. C'est normal. Qu'est-ce que tu proposes à Manon mon Didier? Moi je pense à la famille avant tout, il faut faire un petit chanson du jour là. Ah oui, mais je crois qu'elle veut... Ouais, mais elle veut l'annoncer alors, quand tout le monde est là. Et alors, si c'est un dimanche, après, on est mal barré. Elle le repasse en live avec ta famille. Mais Didier, c'est pas bête. On est déjà dans une rubrique qui s'appelle Service Express. Et toi, tu lui dis, appelle pour une autre rubrique, la chanson du jour. Bah ouais, mais après, elle rappellera pour rembourser la facture du mariage. Eh ben voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Allez, retourne au muscadet. On t'embrasse, mon Didier. Bisous. On a une autre proposition de Jack. Salut Jack. Salut Christina. Hello Jack. Tu nous appelles de Lille, Jack. Ouais, c'est ça. Bon. Et moi, j'avais pensé qu'elle pouvait mettre le cuir au courant, tu vois. Qu'elle veut se marier, genre avant le, avant la cérémonie, genre elle va voir le curé, elle lui dit que qu'elle veut faire une demande en mariage et tout, et puis genre après bah le curé à la fin de la cérémonie, qui lui dise bon on a autre chose à annoncer, mais c'est Manon qui va le faire et voilà. Ah, ça peut être pas mal. Pas mal. Attends. C'est une super idée. Essayons d'imaginer le truc. Tu veux pas jouer le curé, Vacher? Nous sommes réunis aujourd'hui pour baptiser le petit qui s'appelle comment? J'ose pas le dire parce que j'ai peur d'être connu. Le petit, on n'ose pas dire parce que n'est pas connu. C'est un prénom très très long, mais c'est mignon. Mais surprise, surprise, chers invités, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Manon a une autre nouvelle à nous annoncer. Elle veut demander son petit ami en mariage. Et là, évidemment, il se lève, il chiale, il fait « Oh mon Dieu, je m'y attendais pas !» Tout le monde pleure, tout le monde applaudit, genre en mode « Oui !» Et là, le curé enchaîne. Pour fêter ça, tout le monde à poil. Les enfants d'abord. J'adore. Et c'est magnifique. Oh, c'est une très bonne idée, Jack. T'en penses quoi, Manon? Ouais, c'est top. C'est top. Surtout vous êtes au top à nous faire rire comme ça. Ah, avec merci, ma chérie. Bon, écoute, tu nous tiens au courant, en tout cas? Ouais, ça marche. Je vais vous tenir au courant. Bon, on t'embrasse fort. Bisous. Elle s'en fout. Non, elle s'en fout, elle est déjà partie. Et vous m'avez aidé, maintenant je m'en fous, je raccroche. Allez, on passe à la suite. Allez, dans 3 minutes, on paye une facture tout de suite. Et Koum sur Fun Radio. Sur Fun Radio, c'est l'heure de payer de la facture. Bruno, paye vos factures avec Cdiscount. Alors ça, c'est une opération qui est canon. Toute la semaine, Fun Radio s'associe avec Cdiscount pour payer vos factures de télé que vous avez achetées sur le site Cdiscount pour l'Euro 2016. C'est vrai que c'est bien d'avoir une nouvelle télé pour regarder l'Euro qui démarre vendredi maintenant. Ça arrive là, c'est dans quelques jours. C'est dans un... Attendez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4 jours. T'as vu ça comme je vais vite? Ouais, c'est bien, tu comptes bien. Bon, c'est ce qu'a fait Nicolas, on va l'appeler tout de suite. Il habite Peracedes. Ça n'existe pas cette ville. Pourquoi il y a des gens qui habitent dans des villes qui n'existent pas? C'est pour faire les malins, ils envoient des fausses villes. Peracedes. C'est dans le 06, c'est quoi le 06 déjà? Alors attends, j'ai une feuille normalement. Alpes-Maritimes. C'est dans le sud. Ben oui. C'est nice. Merci, Fonf. Allô? Nicolas? Oui? Quel est le seul animateur qui paye tes factures? Oh putain, c'est Bruno dans la radio. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais. Bravo! Tu nous écoutais là? Non, là je sors de la douche en fait. Eh ben va te faire foutre, on te paye pas ta facture. Au revoir. Bon, sois pas surpris, c'est pas Bruno qui te pose la question ce matin, puisque Bruno et Elliot, je vous le rappelle, là sont en ce moment sur le bateau direction Fort Boyard. On va se connecter avec eux d'ici 2 minutes. Ils enregistrent l'émission qui sera diffusée cet été. Et en attendant, ouais, donc Nicolas, on te paye ta facture d'une télé. Alors ça doit être une grosse télé, puisque la facture c'est quand même 489,92 €. C'est une 40 pouces, enfin une 42 pouces même. Moi j'ai rien, je comprends rien au pouce. Ça fait quelle taille? C'est une 42 pouces, ça fait 140 cm à peu près. Ah, c'est non, cool. Pas mal. Et donc tu l'as acheté pour l'euro? Ouais. Et bah écoute, mon chou, on te la paye et on t'envoie le chèque très vite. Ok. Allez les bleus. On t'embrasse. Et alors, moi aussi. Bisous mon chou. Et ce qui est canon avec ces discounts, c'est qu'on vous paye pas qu'une télé par jour, on en paye deux. C'est-à-dire que là, dans la journée, surveillez les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram avec le compte Bruno Fun Radio. On va tirer une autre facture au sort et donc on annoncera le gagnant dans la journée. Et ça va être comme ça pendant toute la semaine. David Guetta arrive avec Dangerous sur Fun Radio. Il est 8h16, bienvenue. Ce soir, 20h, 22h, c'est Love in Fun avec Doc et Karel. Théo, 13 ans, tu as ta question. Combien y a-t-il de relations sexuelles dans le monde par an? 192 milliards. Comment c'est possible que le mec il connaisse ça, Doc? C'est un pro dans la matière. Il est 22h. C'est le Night Show avec Marion et Anso. Bonsoir Mélo. Bonsoir. Alors raconte-nous, il se fait draguer celui-là? Bah ouais, je me fais draguer sur Facebook. Mais c'est qui? Pourquoi? Ah, c'est une certaine Florence. Et est-ce que Florence a vu ta tête? Est-ce que vous avez vu la tête de Florence? Fun Radio. Le numéro de référence pour trouver un coiffeur. 118-712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Cet été, jusqu'au 31 juillet, Nutella vous offre un ballon personnalisé pour l'achat de 2 pots collecteurs de 1 kg. Rendez-vous vite en magasin. Conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. Electro Dépôt. Se faire plaisir avec un barbecue de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez Electro Dépôt, le barbecue électrique iOne garanti 2 ans, échange à neuf, est à 15,98€. Oui, 15,98€. Electro Dépôt, habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation de 16 centimes. Electro Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Let's go ! Tous les matins. Salut. C'est Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Il est 8h18, vous êtes bien sur Fun Radio. Je suis avec Vaché, ça va toujours mon Vachon? Ça va, et toi Christina? Mais ça va très bien. On est bien tous les deux, non? Ah, on est pas mal, on se redécouvre. Bruno et Elliot, on va les retrouver d'ici 5 minutes. Là, ils sont en train d'arriver sur le fort, à Fort Boyard, puisqu'ils enregistrent l'émission qui sera diffusée cet été. Le bateau est en train d'arriver. Et alors, je crois qu'ils doivent se faire élitrayer. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, je sais pas. Enfin, en gros, c'est une espèce de grue qui va les traquer. Il y a un fil qui va descendre, qui va les attraper par la ceinture et qui va les porter pour les poser dans le fort. J'imagine tellement Elliot là-dedans. Et moi, j'imagine la grue qui va avoir mal. La peau. À 8h30, comme chaque jour, il y aura le jeu des 30 secondes. Et alors, cadeau de ouf semaine. On vous file vos places pour venir fêter la fin de saison avec nous à Ibiza. On va partir à la fin du mois de juin. On va tous faire la fête ensemble. Toute l'équipe de Fun Radio sera là. D'ailleurs, tous les animateurs pour venir avec nous, tout frais payé. Peu importe où vous habitez, on vous paye le transport, on vous paye l'hébergement, les accès à toutes les teufs sur place. Franchement, on l'a fait l'an passé. C'était énorme. Ouais, on avait mangé avec les gens. On les avait invités. C'est vrai qu'ils n'avaient même pas payé. Quand on les invitait au resto. oui, c'était des gens, des vraies personnes, des gens qui nous écoutent avec des bras, des jambes, parfois même des fesses assez jolies, je dois le dire. C'est pour ça que ma femme angoisse qu'on reparte à Ibiza. Bon. Mais non, c'est génial, il y a une ambiance de ouf là-bas, c'est incroyable. Vous voulez venir avec nous, vous nous appelez maintenant au 3228, on va jouer dans un quart d'heure. Dans 3 minutes, ce sera les People. Mon invité aujourd'hui, c'est Zara Larsson. Et tout de suite, on écoute David Guetta, Dangerous, sur Fun Radio. Vas-y, viens. Non mais, vraiment? Bah oui, on danse. Un slow, quoi. J'ai l'impression d'être au collège. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. Laisse-nous tranquille, toi. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Oh, oh, oh, oh, oh. The dangerous. Oh, oh, oh, oh. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Sur Fun Radio. Bon, au moment où je vous parle, Bruno et Elliot sont en train de faire un live sur Facebook. Ça se passe sur la page Bruno dans la radio. Ils sont toujours sur le bateau. Ils sont en train d'arriver sur Fort Boyard. On va se connecter avec eux dans 2 minutes. Le temps de faire les people. Les people de Christina. Et tu nous as préparé quoi au menu? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu des people? Fais-nous baver, quoi. Bah, je vais vous le dire, monsieur Vacher. Taylor Swift a fait un truc de dingue ce week-end. Drake a peut-être une nouvelle chérie. Les arbres ne remercient pas Johnny Hallyday. Et Zara Larsson va nous parler d'une question un peu coquine. Ah. Je lui ai posé une question coquine. Vous allez voir, elle est un petit peu bouillante. D'accord, mais faisons que Zara Larsson. Hein. T'emmerde pas pour le reste. Taylor Swift a fait une magnifique surprise à deux de ses fans ce week-end. Max et Ali, les deux fans, forment un couple qui a décidé d'écrire une lettre à la chanteuse juste avant de se marier, d'accord ? Ouais. Alors dans cette lettre, en fait, Max précisait qu'il venait de perdre sa maman, que l'un de ses derniers souvenirs était une danse avec elle dans sa chambre d'hôpital sur une chanson de Taylor Swift. Alors c'est vrai que du coup, ça a beaucoup touché la star qui a décidé de débarquer par surprise à leur mariage. C'était samedi. Et c'est elle qui a chanté pour ouvrir le bal. Écoutez. T'imagines la classe? Ben moi je me dis, vu le prix que j'ai payé mon DJ alors qu'il n'est pas connu, hein, c'est David Bouchez. Alors s'ils ont dû payer Taylor Swift. Non, elle l'a fait complètement gratos. Franchement, la vidéo est ouf. Allez voir, c'est sur la page Facebook Bruno dans la radio. Bon, Drake, Il a une nouvelle chérie, il est plus célibataire. Je suis désolée pour toi, ma chérie. Mais c'est pas possible, mais il se recasse trop vite. Même pas le temps de lui envoyer un tweet, quoi. Que le mec, il est déjà en train de ken. C'est la fille d'un acteur connu, Stephen Baldwin. Alors, il a joué dans Usual Suspect. En fait, ses frères, je crois, qui sont beaucoup plus connus que lui. Alec Baldwin, ouais. T'as toujours un frère qui rate un peu sa carrière, tu vois. C'est comme il y a Jean-Jacques Hallyday, tu vois. C'est le frère de Johnny, il fait des petits concerts dans le Poitou. C'est pas lui qu'on retient, quoi. Bon, c'est surtout la fille d'une. Enfin, c'est l'ex d'une star très connue, c'est l'ex de Justin Bieber. Ah. Et donc cette fille s'appelle Hailey Baldwin et ce week-end elle était sur les genoux de Drake sur Snapchat. Donc a priori il y a un truc entre les deux, surtout qu'elle lui a offert un petit cadeau à Drake, elle lui a offert un petit pendentif avec un H, donc c'est la première lettre de son prénom. C'est trop mimi. C'est trop mignon, non? Mais je reste une putain de jalouse. La vidéo est sur la page Facebook Bruno dans la radio. Bon, il y a une polémique qui est en train de monter dans la ville de Fréjus, je sais pas si vous avez vu ça. Non. Fréjus qui doit accueillir le 2 juillet prochain un concert de Johnny Hallyday et 20 000 spectateurs. C'est pas Jean-Jacques Hallyday, le gars du Poitou? Non. Ah, quel dommage, il a des super chansons. C'est le vrai Johnny, mais le problème, c'est qu'il y a des platanes qui vont gêner la visibilité des spectateurs. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'a décidé la production? Ils vont les péter et les couper. Eh ben, ils ont décidé de couper les arbres. Ah, ben, ils ont raison, ouais. Donc, forcément, ben, les défenseurs de la nature, comme toi, Vacher, sont un petit peu chonfons, hein, ce matin. Je suis désolé, on ne touche pas la nature, Christina. D'ailleurs, on fait une manif pour l'environnement cet après-midi à Boulogne-Billancourt. Mm-hmm. Je jonglerai avec des boules enflammées. j'ai un chien sale qui me suit partout et c'est mon meilleur ami. Eh ben, on fait ça. Mon invitée aujourd'hui, c'est Zara Larsson. Elle était vendredi sur Fun Radio. Vous avez peut-être vu les photos et les vidéos. C'était chez JB. Vous retrouvez ça sur funradio.fr. Et donc, j'ai découvert que Zara Larsson était un peu coquine, puisque je lui ai posé cette question. Si tu pouvais te transformer en homme juste pour une journée, tu en profiterais pour faire quoi? Écoutez sa réponse. Yeah, obviously, jerk off, you know, do the helicopter and stuff. And what else? Like, just enjoy my privilege of being a man. Donc pour ceux qui sont pas bilingues, elle a dit je me masturberai, je ferai l'hélicoptère et je profiterai des joies d'être un homme. C'est plus facile à dire qu'à faire l'hélicoptère. Il a jamais vraiment voulu démarrer, moi. Ses passagers étaient en danger, on a préféré couper l'hélice direct. On va écouter Dioro, on va retrouver tout de suite Bruno et Elliot. On les retrouve tout de suite. On les retrouvera après Dioro. On les retrouve tout de suite après alors. C'est Bailar sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Mi José Vigana la van a envidiar. Baila como diosa, así no joder. Revenir dans 3 minutes avec Zara Larsson. On va se connecter aussi avec Bruno et Elliot qui sont arrivés sur Fort Boyard. C'est ce qu'on vient de me dire. Et on va jouer ensemble. Le jeu des 30 secondes, vous partez avec nous à Ibiza. Vous continuez à nous appeler au 3228.

Franchement, cette semaine, c'est un cadeau de ouf qu'on vous offre, puisqu'on vous envoie à Ibiza, tout frais payé, pour venir faire la fête avec nous, pour fêter la fin de saison. C'est-à-dire qu'on va tous prendre l'avion ensemble et on va passer 3 jours de folie avec vous. On vous paye tout, le transport, l'hébergement, l'accès aux boîtes sur place. Pour l'avoir fait l'année dernière, franchement, c'est un truc de ouf. On a bu, on a beaucoup bu. Moi, je me rappelle un peu d'Ibiza, mais j'ai trop bu. Donc cette année, le défi, c'est ne pas boire et profiter un petit peu du paysage. Ouais, t'es sûr que tu vas y arriver ? Non. Ibiza, c'est le temple de la teuf. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et en plus, c'est Mike Posner qui rince. Ouais. Ah ouais ? Ouais, c'est lui qui rince. C'est lui qui paye tout. Et la flouze. Et pour jouer ce matin, on a Pierre. Applaudissements pour Pierre. Yeah. Salut Pierre, comment ça va ? Bah super, super. Et toi, Christina ? Ça va très bien. T'as 21 ans, tu nous appelles de Reims. Yes. Et tu es étudiant en école de commerce, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Bon, ça te ferait kiffer de venir avec nous à Ibiza ? Bah ouais, carrément, j'en rêve. Depuis que j'ai vu les replays de l'an dernier, j'écoutais-vous l'an dernier, c'est mon rêve de venir avec vous. Bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, mais il va falloir que tu sois plus fort que Fanny. Bonjour Fanny ! Salut la famille ! Salut Fanny ! Ça va ma chérie ? Ça va ? T'as 25 ans, tu nous appelles de Toulon. C'est ça. Même question, même punition. Ibiza, t'as déjà fait d'ailleurs Ibiza ? Mais pas du tout, j'y suis jamais allée. Et si tu viens avec qui du coup ? Sûrement avec mon chéri. Hein. Ah, d'accord. T'es en couple ? Et oui. Et t'appelles pour jouer, bon. Tant pis. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Je vous rappelle le principe du jeu des 30 secondes. Donc vous êtes deux à vous affronter. Chacun d'entre vous va choisir un membre de l'équipe. Alors ça ne doit pas être Karina du JPI, puisque Karina t'a gagné vendredi dernier. Exactement. Mais sinon, vous pouvez tous nous choisir. Et vous devez faire deviner donc un maximum de mots en 30 secondes. En tout cas, on va essayer de vous faire gagner. Vous choisissez qui, Pierre ? Moi je vais jouer avec Vaché. Ah, c'est bien ça, mon Pierrot, tu vois, on va gagner là. Il n'y a pas la pression de Bruno Elliott qui soude la gueule, tu vois. J'ai confiance en toi, Vaché. Je suis libéré là, ça va être énorme, énorme. Bon, et Fanny, tu joues avec qui ? Christina. Allez, bon, bah c'est nous deux, Vaché. Okay. Ah, oui. Okay. Karina, qui commence ? Eh ben, c'est Vaché qui va commencer. Allez. Je sais pas pourquoi. Moi je préfère quand tu commences pas, parce que quand tu perds comme ça c'est plus drôle. Mais je me rends compte en fait que quand je commence j'ai la pression, parce que je me dis putain je suis le premier. Et quand je suis le deuxième j'ai la pression, parce que je me dis putain je suis le deuxième. Bah. Donc je suis, voilà, j'ai de la pression quoi qu'il arrive. Bon. Allez Pierrot, est-ce que t'es prêt ? Alors, attends, yeah, je suis chaud. Je saisis la feuille, on est en connexion, on est les meilleurs bros du monde, on va s'en sortir. C'est parti. Yes. Ok, alors c'est l'endroit où sont Bruno et Elliot en ce moment. Fort Boyard. Oui. C'est ce qui coule dans tes veines, c'est du. Le sang. Ouais. C'est le truc qui hurle la nuit. C'est comme un chien, mais en plus méchant. Le loup. Ouais. C'est pas le ciel, c'est le contraire. C'est ce sur quoi tu marches. C'est le. La terre. Ouais, le. Le sol. Ouais. Ça peut être sans sucre, à la vanille. Tu le prends dans le frigo et tu le manges, c'est un. Un yaourt. Ouais. C'est le contraire de l'été. Prendre. Non, de l'été, la saison. Ah merde. J'aurais pas dû le faire deviner comme ça. J'aurais dû dire c'est la saison où il fait froid. Voilà, putain. C'est pas grave, 5 points. On a fait 5, c'est quand même pas mal. C'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bien joué, Pierrot. Ça va être chaud. Bon, alors Fanny, il va falloir qu'on soit forte. Hein. Oui. Ok, il faut qu'on fasse au moins aussi bien que 5, voire mieux. Rêve. D'accord ? Allez. Allez, c'est parti. Top chrono. Ok, des manifestants, quand ils sont pas contents, ils jettent des. Il est des pierres ? Non, ouais, c'est la même chose, mais en plus gros, c'est sur la rue. Il l'enlève de la chaussée pour le jeter. Ça s'appelle un ? Un pavé. Oui. Après 3, il y a ? 4. Ouais. Les muscles sur le bras, comment ça s'appelle ? Les biceps. Ouais. Quand t'es pas content d'avoir fait quelque chose, tu ? T'es énervé. Non. Mécontent. Non, c'est un autre sentiment. Déçu. Non. C'était regret. Oh non. Oh, 3 yeah points. Oh. Bah Pierre, c'est gagné. Bon Pierre, grâce à Vaché, tu viens avec nous à Ibiza. Franchement, ça va être un truc de malade mental. Tu vas venir avec qui ? De ouf. Tu vas venir avec qui ? Je sais pas encore, soit ma mère, soit ma sœur. Ta mère ? Ta mère à Ibiza ? Mais ma mère, elle est grave jeune, elle est grave branchée. Alors, je viens pour la fiesta. C'est où la bamboula ? Ouais, écoute, tu viens avec qui tu veux, mon chou, mais quoi qu'il arrive, on te paye tout. Le transport, l'hébergement. Et Fanny, je suis désolée, on t'embrasse très très fort. On t'envoie un petit casque Bruno dans la radio, d'accord? Super, merci. Je t'embrasse, ma chérie. Bisous. Hey, c'est aussi bien qu'Ibiza un casque, ça va, arrête. Bon, on écoute Zara Larsson. Ouais. Et on va essayer de se connecter avec Bruno Elliott dans 2 minutes sur Fun Radio. C'est Lush Life. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. Now I might, I don't wanna say too much. But that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Get it all night, all summer. I paint pics so bright, so colored. On Instagram, I don't like no other. So baby, why you don't write, don't holler. Let's have a show and get loose, get wavy. Cause we ain't sipping on the juice that they be. Guess you want us in my roosh. Party with my troops, switch the Rari to the coupe. Give me match and we can party on my roof. Yo, when it's a new year, up 90. New spring, summer, new money. New car, quick. Says she went ever in her class. First time she got a star. And now she wanna ask somebody. And I just smashed the record with my 7th number one. I was praying for a time when I thought it would never come. And now I'm like no other. I'm sitting pretty high with my Stone Cold Stunner. Yeah. I live my day as if it was the last. Live my day. Jusqu'à 9h15. On va avoir Bruno Elliott normalement si tout va bien après, juste après la pub. Ils sont arrivés sur le fort. D'accord. Ils sont en train de se faire briefer pour l'émission Fort Boyard qui sera diffusée cet été. Là ils sont en train de leur expliquer comment prendre les petites bêtes, etc. Donc ils vont nous en parler. Ce sera dans 3 minutes. Et il y a plein de messages qui arrivent sur Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio Vaché. Il y a franchement Vaché Christina, vous avez bien géré l'émission. Bravo à vous. C'est Pipi Touch qui dit ça. Petit Poch. Merci Pipi. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini Pipi. Il y a aussi Althea qui dit allez la team Bruno, ça c'est pour Fort Boyard, moi je crois en vous. Oui, ils vont tout déchirer, on le sait. Il y a Théo qui dit courage, faites attention au père Fouras, il est très vicieux et ramenez plein de boyards. Alors je sais pas si le père Fouras est vraiment très vicieux. On dit père Fouras, hein, Vaché. Ouais, je sais pas, je dis tout moi. Et il y a Martino qui dit où c'est très appréciable, une voix féminine qui anime, très bonne animatrice Christina Nini. C'est ton pseudo sur Twitter. Je suis d'accord, t'es la meilleure, putain. Merci. Bon, on se retrouve juste après ça, on écoutera aussi Era Istrefi. À tout de suite sur Fun Radio. Ce soir, 19h-20h, c'est le Before Party Fun sur Fun Radio. Pendant une heure, j'y vais au micro, Adrien Thomas au platine. Une heure de nouveautés. We got a beat going on. De versions inédites et d'exclus. À mettre à fond maintenant dans le Before Party Fun. Can you call me my friend? Le Before Party Fun. Le Before Party Fun. 19h-20h sur Fun Radio. Montez le son. Dance floor.

Presque. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes plus au taquet que d'habitude. Ouais, on est toujours ça. Au taquet. Et alors, je suis avec Vacher, ça va toujours mon vin chaud. Ouais, moi, ça va toujours, tu vois. Je suis là, je suis à la place de Bruno. Mais ouais. Les gens le savent pas, mais genre, Bruno, il a la place, genre, il est un peu en bout de table, tu vois, c'est la place du papa. Et je alors, suis tu te sens bien à sa place? Ouais, franchement, j'ai sa place. Maintenant, bah, je veux son salaire. Ah, mais ça, c'est pas grave. Je vous rappelle, si vous venez d'arriver, que donc, je suis avec Vacher ce matin. Pourquoi? Puisque Bruno et Elliot enregistrent l'émission Fort Boyard qui sera diffusée cet été. C'est ça. Depuis 6h ce matin, on vit les coulisses de Fort Boyard. Et alors, ils sont arrivés sur le fort et je crois qu'on les a au téléphone. Comment ça va, les copains? Oui, ça va bien. Ça va. Putain, et alors, je vous explique, j'ai la tête penchée à une fenêtre du fort parce que c'est le seul endroit où il y a du réseau. Sérieux? Et donc, ouais, ça y est, j'ai la première victoire sur le fort. Voilà, depuis 10 ans que je viens, je rentre dans un short S. Hey, alors ça c'est joli, ça s'applaudit, félicitations. Alors, voilà. Et Elliot me dit, bah, moi c'est du double XL. Bon, et, tu sais quoi, écrit Vache, le mieux c'est que je vous passe Elliot. Alors je l'ai filé, mais là du coup le film il arrivera plus tard dans la journée parce qu'il n'y a pas de réseau très bien sur le port. Okay. Mais la réaction d'Eliott en arrivant sur le port était juste cultissime. Je lui passe le téléphone pour qu'il vous raconte. D'accord. Ok. Elliot? Oui, je suis alors, bien. Alors, Monsou, comment ça s'est passé? Raconte-nous. C'est juste magique. Genre, vraiment, c'est un moment indescriptible. Genre, c'est magnifique. Tu rentres et t'as tous tes souvenirs de gamin qui arrivent. T'arrives, tu vois les têtes de tigre dès que tu rentres dans le fort. Ouais. Genre, vraiment, c'est magique. Genre, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Genre, et donc, du coup, là, on monte. Genre, j'arrive, je fais un album photo, genre, de vacances. Je prends des photos toutes les 30 secondes. Et d'ailleurs, pour voir toutes les photos, c'est avec le hashtag Bruno Funrado sur Twitter. Là, je te vois devant, là où il y a les boyards qui tombent, je crois. Hein. T'as l'air comme un gosse. Ouais. Je crois que c'est là, ouais, non, vraiment. Et là, on a mis la tenue, genre j'ai le t-shirt avec la tête de tigre dessus. Un fort. Et l'élitreuillage du bateau jusqu'en haut du fort, ça s'est passé comment? J'ai fermé les yeux, j'ai tremblé. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Mais bon, genre. Là, vous savez pas encore quelles épreuves vous allez faire, on est d'accord? Non, du tout. Là, il y a encore à manger. J'ai l'impression qu'ils veulent nous engraisser pour qu'on ne court pas. Ok. Là... Ah. Ok. Elliot? Ouais. Ah, bah, ça a coupé. Oui, tu nous disais, là? Je disais. Et là, on attend le briefing. D'accord. Donc voilà, pour qu'ils vont nous expliquer un peu comment faire les trucs et tout. Enfin, vraiment, là, c'est magique. Bon, vraiment, bon. Bien. On croit en toi, Elliot, mais je rappelle que tout à l'heure, il y a genre une heure, on a eu Elliot au téléphone qui était complètement essoufflé, mais c'est juste parce qu'il était dans l'hôtel et qu'il venait de courir dans le couloir. Donc... Non, ça va être compliqué. Hein. Elliot, on a quelqu'un, on a Sylvain au téléphone qui nous a appelé au 3928 parce qu'il veut t'encourager. Je pense que ça va te motiver. Bonjour, vas-y. Sylvain. Salut la famille. Salut mon chou, t'as 29 ans, tu nous appelles de Nice et tu voulais encourager Elliot, toi. Ouais, Elliot, je voulais t'encourager dans le sens où en fait, je sais que tu vas tout déchirer en fait là-bas. Toutes ces années à faire tous tes défis, tout ça, t'ont préparé à ce moment-là en fait. Ah ouais, mais vraiment, là, j'ai peur, mais je vais tout donner en plus pour l'association et tout, là, vraiment, mais ben je vais me défoncer. Voilà, ben mais quand les boyards vont tomber, tu prends ton t-shirt, tu tires un maximum dessus, vu qu'il est grand, tu vas pouvoir tout prendre. Ouais, non, bonne technique. Il a déjà commencé à tout déchirer, hein, son short en le mettant déjà. Je te jure, j'avais demandé du XL, et genre, je dis bon, bah, je crois que je vais prendre du double XL. Hein. Plus c'est grand, plus tu pourras en prendre. Bah, j'ai des grosses fesses. Hein. Merci Sylvain, on t'embrasse fort. Alors, on va rappeler quand même la composition de cette équipe magnifique, parce que peut-être que vous n'avez pas entendu. Donc, avec vous, il y a Gisèle Suarez. Que vous avez écouté sur Fun Radio l'été dernier, que vous allez retrouver bientôt dans le Mad Mag. Il y a Vincent Dedienne, qui est un humoriste. Canal+, et qui est visiblement celui qui a le plus d'intelligence, c'est ce que vous nous disiez. Exactement, oui, il est comme moi aussi, c'est la première fois, il est comme un gamin. Il y a Eve Angeli avec vous. Qui a des belles chaussures aujourd'hui. C'est ce qu'on peut dire après. Et il y a mon chou. Ouais, elle est à côté de toi, c'est ça? Ouais, exactement. Je vais vous dire un truc, mais. Et il y a Thierry de l'Amour et dans le Pré. Ah, c'est mon chouchou. Alors, Thierry de l'Amour et dans le Pré, pour ceux qui ne voient pas bien qui c'est, balance le son, Fonf. Vous aimez la moule frite? Ah oui, parce que. Il faut toujours avoir la frite déjà. Oui. Puis après, on goûte à la moule. Je vous le dis doucement, mais c'est pire. Il faut qu'ils prennent deux shorts et qu'ils les couent entre eux pour en faire un. Il est devant moi, là, mais je pense. Ah oui? Toujours. Donc il y a pire que le double XL. Non, mais c'est un bon vivant, Thierry. Oh, parce qu'il a déjà fait Fort Boyard l'année dernière, il avait mangé un tigre. Bon, et tu sais quoi, Elliot, est-ce qu'on peut rester connecté ou là, ça va être chaud? Mais écoute, je réessayez. Hein. Bon, moi, je suis là. On essaye de vous retrouver. Alors, ce sera juste à 9h, le temps de se faire le JPI. Et tout de suite. Je t'en passe, Bruno. Chat. Bruno, on se retrouve à 9h, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord? Ok, ça roule les amis. A tout de suite, le temps d'écouter Era Estrefi avec Bon Bon sur Fun Radio. Then this is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun, bun, bun. Avec le hashtag Bruno Fun Radio, t'en as un vaché? Il y a Chemamp qui dit Evangélie et Elliot Hoff, le savoir, la connaissance et l'intelligence se sont donné rendez-vous à Fort Boyard. Non, mais les deux en train de répondre à une énigme de, du père Fourage peut rire 1500 ans, ouais. Je pense. Je pense qu'il va foutre les deux par la fenêtre. Bon, c'est l'heure de retrouver le JPI sur Fun Radio. Fun. Le JPI sur Fun Radio. C'est la troisième édition du journal Pas en Images, le JPI, tout de suite. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, football, à quelques jours du début de l'Euro, nous en connaissons plus sur les règles à respecter dans les fan zones. Par exemple, il sera interdit de venir dans une fan zone avec des animaux. Pas de chance pour Zaz si elle voulait venir regarder le match avec ses poux. Journée mondiale aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la mini-jupe. Prions pour Khan Roumanoff, ne la faites pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du chanteur Faudel. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Faudel pour une interview. En attendant, je vais me commander un sandwich, j'ai faim. Ok. Bonjour, je voudrais un kebab, viande, tomate, oignon, sauce blanche, s'il vous plaît. Mais Faudel n'est pas encore arrivé ? Ah si, si, c'est à lui que je viens de passer la commande. Ah, d'accord, bah, embrassez-le pour nous, Anthony. On va peut-être rappeler, qui c'est quand même, Faudel. Mais oui, c'est jamais. Ça suffit. C'est ici que je suis né. Au secours. Merci. Et pour finir, si vous aimez les dessins animés et que vous êtes allergique au pollen, découvrez Titi et Graminé. Oh. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Merci les amis. Attends.

Radio. Nous sommes le lundi 6 juin, il est 9h04. Bonjour! Je suis avec Vacher ce matin. On a passé une bonne matinée, mon Vachon. Attends, je vais te féliciter, Christina, parce que franchement, tu vois, c'est toi qui maîtrisais le bateau aujourd'hui. Bruno n'était pas là et franchement, t'as été très bonne. Et il y a beaucoup de gens qui le disent sur Internet. Oh, merci, c'est gentil. T'as été méga bonne et je le dis depuis des années que t'es méga bonne. Personne ne l'entend. Merci, mon Vacher. T'as été pas mal non plus. Hein. Ouais, je sais. On s'auto-complimente, on a l'air de con ou pas. Bruno et Elliot, je vous le rappelle, enregistre Fort Boyard, l'émission qui sera diffusée cet été. Alors, on a vécu depuis ce matin, donc leur départ de l'hôtel, le bateau, la nacelle, leur arrivée donc sur le fort. Et là, on va tenter d'appeler Bruno. Ils sont en plein briefing. Ah, il est là. Bruno ? Ouais, écoute, alors au moment où je vous parle, Elliot est en train d'apprendre comment on ouvre le cadenas si on a une épreuve avec un cadenas. Ah, énorme ! Il dit quoi ? Il dit que déjà, ouvrir le cadenas, c'est compliqué. Oh là là. Mais c'est vrai qu'on le voit sur des émissions, parfois, il y en a qui galèrent tellement, du coup, qu'ils n'ont pas la clé à cause de ça. Arrive, on lui dit de taper un code, et il n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, le boulet. Je pense que ça va être rock'n'roll. Heureusement qu'il y a Evangélie. Et d'ailleurs, la composition de l'équipe, on va la réécouter, ça va être là, dans deux minutes, dans le top 3. Ouais. Vous savez un peu ce que vous allez faire comme épreuve ou pas du tout ? Non. Ça, c'est le principe de Fort Boyard, c'est que pour pas qu'on puisse se préparer mentalement, on découvre les épreuves au dernier moment. Donc là, en fait, le briefing qu'on nous fait pendant une demi-heure, c'est juste de nous dire ce qu'on est susceptible d'avoir pendant la journée de tournage. Mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc du coup, on nous explique les codes, si jamais on a des cartouches avec des codes. On nous explique comment récupérer les clés, comment dévisser quand on est sur les têtes de tigre, etc. Après, on va nous expliquer comment prendre les animaux sans les blesser, donc serpents, scorpions, araignées, tout ce qui va avec. Et puis après, on nous jette dans le bain et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. C'est énorme. Et vous êtes censé commencer à quelle heure, là ? On va commencer le tournage vers 10h15, je crois. Bon, on compte sur vous. Pour toute la journée. On compte sur vous déjà pour poster des photos tout au long de la journée. Continuez avec le hashtag BrunoFanRadio. Alors là, je vais être très honnête. On va être obligé de laisser nos téléphones pendant le tournage. Mais on va récupérer des photos qu'on balancera sur Facebook et sur Twitter. Bon, et vous, le cri de guerre, vous êtes resté sur quoi du coup ? Alors, les amis, cri de guerre pour la radio pour vous montrer qu'on a répété. Ah. Attention, est-ce qu'on est content d'être là ? Ah, fort. Voilà. Bon, soyez bons. Bisous les amis. Et bravo pour ce matin, vous avez déchiré. Ah, merci beaucoup. Merci, mais du coup, on va te parler d'une éventuelle augmentation. Enfin, on va pas te gâcher la fête. Profite. Il n'y a plus de raison. Allô. Bon, on vous retrouve demain à 6h, les amis. Et du coup, vous nous débrieferez l'émission en détail. Hein. D'accord ? On vous embrasse. Ouais. Allez, gros bisous. Gros bisous, déchirez bisous. Tout. Il manque en fait. Bah ouais, non, mais ça fait bizarre, tu vois. C'est un repas de famille où il manque la moitié, quoi. C'est dommage. Tu vois, il y en a d'autres dans l'équipe. S'ils n'étaient pas là, franchement, on se sentirait mieux. Mais pas Bruno et Elliot. On enchaîne. Qui ? Bon, c'est l'heure du top 3. Le top 3 de Mathilde. 3, 2, 1. Bah oui, Elliot n'est pas là, donc forcément c'est Mathilde qui s'y colle. Mathilde, t'es en stage avec nous, il faut le dire. On t'avait eu au standard, au 32-28, tu nous avais appelé parce que t'avais un mauvais plan pour un stage, tu te faisais harceler je crois. Ouais. Et tu nous as appelé et on t'a dit bah viens chez nous, et tu te fais harceler tout autant je pense. Voilà. Mais nous c'est pour la blague, donc ça va, on est gentil. Ça passe. Bon, il y a quoi dans ton top 3 ma chérie ? Alors. Numéro 3. Vas-y. Au début de l'émission, ce matin, on était en direct avec Bruno qui était à Fort Boyard et on a parlé de la composition de l'équipe. En plus, Bruno est capitaine et vu la team, je pense que ça va donner quoi. Nous as promis de nous révéler la composition de l'équipe. Alors, la composition de l'équipe, les amis, je suis capitaine d'équipe déjà, il faut savoir, d'accord. Ouais. Il y a un mec qui est génial qui s'appelle Vincent de Vienne. Ouais. Qui bosse sur Canal+, qui fait du one man, etc., qui est super galerique avec nous, d'accord. Il est intelligent, okay. Celui-là. Alors lui, c'est lui qui va devoir amener les clés des énigmes. D'accord. Alors il y a donc Elliot Chamrec. Bonjour. Il y a Thierry de l'amour et dans le pré, c'est ton chouchou. Ah, j'adore. Ensuite, en termes de présence féminine, il y a Gisèle Suarez. Ouais, qu'on connaît bien sur Fun Radio. Et Evangélie. Ah bah tu l'as dit comme ça. Oh voilà. Non. J'ai balancé le truc. C'est comme le sparadrap, faut le tirer. Non, mais l'équipe de la win, quoi. Et surtout, à un moment, Elliot qui voulait faire des vannes sur Evangeline, mais elle était à côté de lui. Donc, du coup, il était au téléphone, il disait, je peux pas, je suis mal à l'aise. Oh, ça va être énorme. Oh, merci, ma chérie. Numéro 2. Allez Mathilde, on est derrière toi. Numéro 2, bam, alors, vas-y. En numéro 2, on a essayé à 7h10 l'application Face Melody. Face, on dit Face, mais c'est pas grave, vas-y. Face Melody. C'est une application interactive qui crée une mélodie en fonction des traits du visage. C'est ça. C'est plutôt sympa, hein. C'est bien. Et on a essayé avec le visage de Bruno, Vaché et surtout celui d'Eliott, quoi. On essaie. Bruno, on a fait le test avec ta photo. Hein. Bien sûr. D'accord. Bonjour. Bonjour, Bruno, comment ça va aujourd'hui? T'es bien, t'es bien. Ça fait très restaurant. Ça fait restaurant japonais, c'est vrai. Exact. Ouais, c'est vrai. Et bah chez toi, ça donne quoi? Bah, c'est un peu comme Bruno, mais plus électro. Perdu dans la forêt, je trouve. Moi, je trouve que ça fait du japonais tuning. Ah, d'accord, les intalus. Et Elliot, franchement, alors, on a essayé avec ton visage et la mélodie est incroyable. Écoute. C'est hyper. Une tête de cul. C'est hyper dansant, je trouve. Mais vraiment, on n'a pas trafiqué, je te jure, mec. Non, mais est-ce qu'on peut réécouter le morceau d'Eliott? Le morceau d'Eliott. Il paraît, enfin, la légende raconte que c'est un vrai. Ouais. Oh non. Qui a été enregistré. Oh, tu déconnes. Il y a des années, ouais. Oh non. Ouais, c'est le patron de Fun Radio à l'époque. Bon, il a un problème. Hein. Allez, c'est quoi ton top 1? Numéro 1. On a rendu un service à Manon qui a eu envie de demander son mec en mariage le jour du baptême de son fils. Et Jack, un auditeur, a appelé pour nous proposer une idée qui a bien plu à Vaché. On écoute. Avant la cérémonie, genre elle va voir le curé, elle lui dit qu'elle veut faire une demande en mariage et tout. Ah, ça peut être pas mal. Mais attends. C'est une super idée. Essayons d'imaginer le truc. Tu veux pas jouer le curé, Vaché? Mais surprise. Surprise, chers invités. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Manon a une autre nouvelle à nous annoncer. Elle veut demander son petit ami en mariage. Et là, évidemment, il se lève, il chiale, il fait « Oh mon Dieu, je m'y attendais pas !» Tout le monde pleure, tout le monde applaudit, genre en mode « Ouais !» Et là, le curé enchaîne « Pour fêter ça, tout le monde à poil, les enfants d'abord !» J'adore. Et c'est magnifique. C'est les années de catéchisme qui m'ont inspiré. Dédicace à vous, monsieur le curé dont je tairai le nom, qui était pas le dernier pour la déconne. Bon, il est 9h11, je crois qu'il est temps d'accueillir le châtelain. Fun. Le roi. Mika, le châtelain. 9h30 sur Fun Radio. Gloire au châtelain. Gloire au châtelain. Bonjour les amis, bonjour à tous. Ça va mon chou? Eh ben oui, ça va, je suis en pleine forme, j'ai passé un super week-end, j'étais chez papa-maman à Nantes. Voilà, vous tout avez va fait bien. Du cheval? On a fait du cheval, on a fait une petite balade avec Monsieur Père. Oui, s'il vous plaît. Ah, vous l'appelez Monsieur Père? Oui, Monsieur Père. Votre les... papa? Oui, non, papa, c'est... Non, on n'appelle pas papa, père. Quand vous avez bu parfois et que vraiment la folie s'empare c'est ça. De vous. Mais là, je peux te dire, je me fais gronder. Hein. Oh, oui, oui, oui, oui. J'imagine. Oh, oui, il apprécie pas. Hein, ça, je... Bon, juste avant de partir, Vaché, t'avais une étude dont tu voulais nous parler. Bah oui, sur les femmes. En fait, je suis tombé sur un truc. Apparemment, les femmes mariées regardent plus de porno que quand elles ne sont pas encore mariées. C'est une étude des... J'aime bien ce son. Une étude des chercheurs de l'université de Cambridge, hein, qui apparemment ont que ça à foutre, qui ont regardé ça. Apparemment, les femmes seraient 28% à regarder du porno une fois mariées, alors qu'avant le mariage, elles étaient que 9%. Ah ouais? Mais ouais. Ça vient de quoi, tu crois? Ben, j'en sais rien. Parce que moi, elles font moins l'amour, peut-être. Ben, c'est peut-être ça, parce que moi, ma femme, en vrai, c'était la première femme qui m'a avoué qu'elle regardait du porno quand on s'est mis ensemble. Elle m'a dit, ouais, j'en regarde de temps en temps. Ah ouais? Donc, c'est un peu mais genre, elle le fait quand? Quand t'es pas là? Non, mais on habitait pas ensemble, donc ouais, pendant que j'étais pas là, tu vois, moi je jouais à la PS4, elle bon bah. Voilà. Elle s'occupait, et je me dis, tu vois, déjà qu'elle le faisait beaucoup depuis qu'on est mariés, ouais, je comprends pourquoi ça déborde la connexion internet. Ah, c'est genre Elliot en meuf, quoi. C'est Elliot en meuf, exactement. Regarde un peu le châtelain, votre femme, parce que vous, chez les châtelains, est-ce qu'on regarde ce genre de film quand même? Ou est-ce qu'on se caresse simplement sur des publicités où la femme est légèrement dénudée pour du shampoing, par exemple? Non, c'est les tableaux, nous on se sert des tableaux de nus. Ah, oui, oui. Ah. internet, tout ça, c'est beaucoup vous trop provoquant. Vous voulez dire que vous allez parfois au musée du Louvre avec votre petit rouleau de sopalin? Exactement, cher ami. Vieux cochon. Mais je vois que vous savez tout de ma vie. Oh la Joconde, quelle chagasse. Bon les amis, on va se retrouver demain. Merci Vaché. Mais merci à toi Christina, c'était très bon. Merci à tous d'ailleurs, on s'est tous soutenus voilà, en l'absence de Bruno Elliott qui enregistre Fort Boyard. C'était une belle émission, on a une belle équipe. Merci à tous les auditeurs. Par contre, j'arrête mes phrases en plein élan. On est une belle équipe et... voilà. Merci à tous les auditeurs. Merci pour vos messages avec le hashtag Bruno Fan Radio. Franchement, vous avez été trop mignons. Demain, soyez rassurés, Bruno et Elliot seront de retour. J'espère, si tout va bien, si le tournage de Fort Boyard se passe bien. Disons, Bruno sera de retour, ça c'est sûr. Voilà, Elliot, on est un peu moins sûr. Après, on croise les doigts. Voilà, c'est tout. Rendez-vous demain à 6h. C'est à vous, monsieur le Châtelain. J'aime bien quand tu fais ça, c'est à vous. Merci les amis, gros bisous. À demain. Je vous avais trouvé très très bon, moi, ce matin. Essayez le musée d'Orsay. C'est vrai? Il y a des tableaux de nus. Oh mon dieu. Mais vous y êtes déjà allé? Oh, c'est chapiteau dans mon slip. Oh là là. Allez, bisous la famille, à demain. Bisous, bisous. Voici Amir sur Fun Radio. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh you, you, you, you, you. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son dance floor.